magie aussi. Moi, je vois que j'ai 7 en magie. Voilà, nous sommes reviendus. Voilà. Je suis arrivé pile à l'heure. C'est ça. Bon, êtes-vous prêts? Ouais, vous pouvez remercier Catherine Grenadine pour ce superbe générique. Parce que c'est elle qui l'a fait. Moi, je ne fais rien, moi. Je ne fais que faire le jeu, moi. C'est déjà beaucoup. Tu fais du montage. Ouais, c'est vrai, mais moi j'aimerais bien avoir les skills de Grenadine pour faire ce genre de choses. Ah, en fait, il faut que tu rates un jet pour peut-être augmenter. Ah, attends, je vais lancer un jet. Non, justement, réussir. Ah, c'est vrai que le générique, il est trop bien, la Mais c'est classe. qu'on a du monde aujourd'hui hein, qui nous surveille. Ouais. Ben oui, hein, à force, hein. Vos aventures les intéressent. Surtout vos jets de santé mentale, savoir dans quel état vous allez terminer. J'ai quand même bien Alors, baissé, moi. vous êtes donc retourné à votre hôtel avec du coup ce parchemin, du moins l'étui qui vous est que vous avez dans la main, l'étui en cuir. Et qu'est-ce que vous faites arriver du coup dans vos chambres? Est-ce que vous allez vous coucher direct? Est-ce que la curiosité de ce parchemin prend le dessus et... Ah. Ils sont peut-être déjà assez dormis comme ça, je pense. Tu vois, on est re reposé. Je dis On ça est comme ça, reposé mais... d'ailleurs de la du somme qu'on a fait. Ils viennent de se réveiller, ils vont aller se coucher. Merci à C'est toi, pas une grasse mat, ça, après, René. c'est l'hibernation. Ouais. Merci à toi, Riley. Et René. René Non, mais Julier. c'est une vraie question, par contre. Est-ce qu'on sent reposé de la nuit qu'on a passée? Pas du tout. Au contraire, vous êtes épuisé. Vous avez une sensation de faim et de soif qui est assez importante. Comme si vous n'aviez pas mangé ou bu depuis genre peut-être 24 heures. Vous êtes Moi, je vais totalement demander. déshydraté. Alors, après, on va dire qu'il doit être sur les coups de 1 heure. Entre 1 heure et 2 heures du matin, vous êtes à votre hôtel, un hôtel de luxe. Ouais. Vous pouvez tout à fait imaginer On fait peut-être trouver quelqu'un pour vous commander faire bouffe. on fait commander un gros plateau repas, Voilà. Gargantuesque, C'est ce que je disais. orgiaque, truc. Voilà. Alors toi, Une petite Nelson, caprice de star. contrairement aux autres, tu n'as pas cette sensation-là. Ah, mais c'est pour eux que je Oui, commande. non, mais en fait, voilà, c'est vraiment Ouais, j'ai pas la toi. grosse sensation des du. Non, je fais pas le Voilà. carême. Toi, tu as, c'est tout à fait normal, t'as aucun problème là-dessus, t'as peut-être un grand stress dû à la situation qui vient de se passer et tout, mais tu n'as pas ça, alors que les autres sont vraiment... Et Nelson, il a juste faim. Voilà. Les autres sont très très faim, mais Nelson, il a juste un peu faim. Juste 3-4 saucissons, une tranche de Tu vois, pain, du salami. il a eu le seum de pas goûter à une bonne rasade de la Loire anonyme. Et puis un bon vin italien de Suisse. Voilà. Tu vois, le fait d'avoir vu des corps se déchiqueter et un golem de chair, je suis pas sûr que ça m'ouvre l'appétit en fait. Ouais, mais après, c'est une sensation physiologique. C'est Ok. pas forcément psychologique, c'est plus physiologique. Comme si on avait drainé énormément de ton énergie, ce qui fait que ton corps est dans une demande de protéines et tout ça pour te requinquer au niveau d'énergie. Donc du coup, t'as faim et t'as soif. La gueule de bois onirique. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, vous êtes du coup devant les portes des chambres. Qu'est-ce que vous faites? On rentre dans la chambre, logiquement. Moi, j'ai surtout proposé déjà qu'en fait, on se quitte pas parce que Qui c'est qui tient le parchemin? C'est moi. Moi, j'allais proposer surtout qu'on se quitte pas parce que là, vu ce qu'on a vu en fait dans le dans ce dans ce monde, moi je suis pas d'avis pour qu'on aille chacun dans une chambre comme ça, enfin chacun. Moi, j'ai peur pour nos vies, quoi. Oui, puis on a été menacé très très récemment quand même. Et le comte, le français, ou je ne sais qui il est en réalité, le prince là, il veut ce parchemin-là, il a tué pour l'avoir, il le cherchait à tout prix. Je sais pas si c'est le bon truc de dormir tous en même temps ou d'aller chacun dans notre chambre. C'est pas... Tous dans une chambre. Ou alors dans le prétoire, enfin dans le grand salon, je sais pas. Moi je suis la foule et je me tiens aux aguets le temps qu'ils me racontent leur histoire tout en se restaurant. Ok. Alors, donc du coup, vous rassemblez tous au même endroit? Oui, dans une salle commune, dans un petit salon. D'accord. Attendez, parce qu'en même temps, je bidouille mes fenêtres. Parce que là, pour pas vous mentir, j'ai 3000 fenêtres ouvertes en même temps. Ce qui est pas simple. Si tu ferais comme le jour 1 où tu nous balances une feuille de scénario, ce serait bien. Oh ouais, attends, je vais la lancer. Alors, hop. Donc, vous retrouvez tous dans une des chambres, ou une pièce, ou. Enfin, vous m'avez dit une chambre ou une pièce, je sais plus. Une pièce privative, genre un petit salon, un truc confort, un truc comme fille. D'accord, vous retrouvez effectivement dans une des pièces. Il y a des trucs que j'ai pu. Ah non, il me manque des documents. Bon, c'est ballot. Il va falloir que je vous le fasse que je vous le file différemment. Ça c'est pas cool. Hop. Ok, donc vous vous retrouvez là-dedans. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, je vous relance encore une fois le truc. Allô? Oui. Vous vous retrouvez dans cette pièce là, vous faites quoi? Vous sortez le parchemin? Étant donné que je faisais pas partie de l'aventure là, de Onirik, moi je m'attends à ce qu'il me raconte un peu. Je pense qu'on t'a raconté sur le chemin du retour déjà. Ouais, vite fait, les grandes lignes. Et puis, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? On a récupéré le parchemin et c'est déjà bien. On a failli mourir, mais on a récupéré le parchemin. On te raconte dans les grosses lignes, mais on n'est même pas sûr de notre trip. C'est ça. Par contre, oui, moi je vais ouvrir ce parchemin, quitte à devenir complètement fou. Je m'y empresse plutôt. Ok, donc vous ouvrez... Pendant ce temps, moi, je surveille les entrées, mon arme à la main, cachée dans la poche de mon manteau. Ok. Tu fais ça et tu vois, Peter, tu sors le... Tu prends l'étui dans ta main pour ouvrir l'étui et regarder ce qu'il y a dedans. Et au lieu de trouver un parchemin, tu trouves deux documents, dont le parchemin, évidemment. Mais il est joint d'un document supplémentaire. Je vous laisse du coup aller dans dans le serveur dans le donjon, dans le serveur dédié. Hein, vous ai mis dans la vie de dans le dernier scénario normalement tout en bas. Vous avez tout ce que vous avez trouvé. Et vous allez trouver du coup les deux documents qui sont avec en nocturne, dans le salon nocturne. Mmh. Voilà. Les deux premiers ou les deux derniers? Les deux derniers. Ok. Enfin les deux plus récents du moins. Enfin ce qui est le plus récent. D'accord. Donc vous voyez du coup un parchemin manuscrit et quelque chose d'écrit à la machine écrit. Je vous laisse, peut-être l'un de vous va lire le document. Je vais lire. Ouais. Deux secondes. C'est pas facile à lire. Hein. Non. J'avoue. J'ai vu Les puissances prédatrices de la nuit semaient la terreur dans les cœurs des adorateurs du faux dieu. Je les ai vus et je le vénère. L'écorché me parlait avec un grand L. Depuis que ces mots secrets sont pénétrés, mon cœur des cœurs, je sais ce que je dois faire. Mes visions sont claires et elles le sont exactement ce que mon seigneur avait promis. Dans mes rêves, j'ai vu sa perfection. Enjamber les ruines de notre cité, ayant fait chuter les rois et les royaumes et même les dieux. La première fois que je l'ai tenu entre mes mains, je l'ai reconnu comme un objet de pouvoir. Un pouvoir capable de mettre le monde à genoux et briller la plus pure des perles. Écorché vif, le maltru, qui convoitait mon trésor, m'a réveillé. Cette nuit-là, il est venu à moi pour la première fois et m'a dit quoi faire. J'ai médité devant sa glorieuse présence. Loué soit l'écorché. Alors, j'ai suivi les 17 dévotions et j'ai pu l'ouvrir pour la première fois. L'intérieur de l'artefact était lisse et doux. Bah dis donc. En caressant sa surface interne, j'ai cru sentir une peau de bébé. Bah dis donc. Il s'y connaît en peau de bébé. Hein. J'ai offert 4 enfants en sacrifice à mon maître. Alors, je l'ai utilisé pour la première fois. Dans sa sagesse, le seigneur de la peau nue l'a conçu à ma taille. En toute modestie, je pense qu'il a été fait à mon image. Béni soit l'élu de l'écorché. J'ai veillé à ne pas le souiller. Sa substance à la teinte si parfaite ne doit pas être polluée par l'impur. Voilà. Bonne lecture de chevet. Donc ça, c'est écrit à la machine. Non, celui-là, c'était dactylographié. Et l'autre était... et l'autre était écrit à la machine, le deuxième. Ouais. Hop, c'est parti. Hein. Donc là, je vais placer le document qui a l'air de donner l'impression qu'il a entre ses mains un artefact des plus intéressants. Mm-hmm. Je le donne à ceux qui veulent. L'autre. Oui, l'auteur de ce parchemin est Cetescar Losmanli. Prédisant qu'il perdra bientôt un objet en sa possession, le simulacre. Il fait l'éloge de la description dans 5 parchemins distincts. Le parchemin, le premier des 5, est celui de la tête, détaillant les pensées et l'histoire de Cetescar. Les 4 parchemins manquants sont ceux du ventre, décrivant le culte d'une entité nommée l'écorché, les jambes d'une série de magies affectant le corps à la base du pouvoir de Cetescar, de la main droite, le rituel d'éveil de la statue et la force motrice du pouvoir de Cetescar. Merde, on a la main droite, nous. Non. Et enfin celui de la main gauche, contenant un rituel d'équilibre, un sacrifice régulier et nécessaire. Le parchemin est un document exubérant et demeure dément. Ouais. L'auteur a consigné les événements en ignorant la logique ou la chronologie, ce qui rend la lecture particulièrement ardue. Une bonne partie du texte explique comment torturer et écorcher les êtres humains. Donc du coup vous comprenez que il y a 5 parchemins de Cetescar, que celui que vous possédez actuellement est le parchemin de la tête et que il vous manque les 4 autres. Donc celui celui du ventre, celui des jambes, de la main droite et de la main gauche. Donc là, vous en avez un. Bravo à vous. Magnifique. Youpi. Youpi, alors, youpi. Juste, on est d'accord, là, on en a 15 sur les 5. Oui. Et quand même, que ce que font les autres parties du corps, ok. Voilà, vous savez un peu quelle est l'utilité de tous ces parchemins. Vous connaissez maintenant le sens et l'utilité de tous ces parchemins. Mais là, celui que vous avez, n'est que, en gros, la, n'est là que pour expliquer un petit peu l'état d'esprit de cet Efkar et sa pensée. Ouais. Vous voyez que c'est un mec complètement barré, tout simplement. Mais qu'il a un grand pouvoir malgré tout. Voilà, donc c'est un peu le souci de tout ça. Je pense que après tout ça, vous allez peut-être essayer tant bien que mal, surtout en que mal, de aller vous reposer, essayer de trouver un peu le sommeil, en sachant que on va dire que à 9h du matin, c'est-à-dire dans un peu moins de 7h, vous aurez votre train pour Milan. Donc je pense que vous allez vous coucher, ou peut-être certains n'ont pas envie, je ne sais pas. Oui, allons nous coucher. Moi je pense que je suis complètement HS. Ok. La nuit se passe plutôt bien, malgré tout ce qui s'est passé. Mais... Il n'y a pas des spotiques qui nous envoient encore des têtes ou des trucs comme ça. C'est trop bien. Je vais garder une personne quand même avec moi. Parce que bon, ah. Une nuit sans rien du tout, c'est pas cool. Ouais. Ah, je laisse... Par la... Ah, ceux qui vont dormir vont le savoir tout de suite. Nelson. Ah merde, c'était mon tour. Nelson, tu as conscience de ce qui s'est passé d'énormes choses pour tes amis. Maintenant, tu n'as pas conscience réellement de ce qu'ils ont subi pendant qu'ils étaient dans cette Lausanne onirique. Ils t'ont raconté, mais c'est totalement abstrait pour toi, quelque chose de surréaliste. Même s'il est vrai que tu sais que ce genre de choses sont possibles, puisque tu l'as toi-même vécu pendant ce voyage dans ce train un peu venu d'une autre dimension. Le train transdimensionnel. Mais ce qu'ils t'ont raconté, t'as quand même pas mal dérangé, on va dire, que tu dis que ils sont passés par des épreuves assez dures, et quelque part tu es content de ne pas avoir vécu ça malgré tout, mais tu dis que t'aurais bien été avec eux pour essayer de les aider, mais bon. Quoi qu'il en soit, ils sont de retour. Tout va bien. Bah, je me mets à leur place, ouais. Je compatis un peu. C'est ça. Tu finis quand même par t'endormir. Et puis, au milieu de ton sommeil, parce que tu es peut-être celui qui s'est endormi le plus vite, tu sens que l'air autour de toi... et ça de façon endormie, hein, bien sûr, tu ne te réveilles pas, que l'air se rafraîchit. Jusqu'à même plus que rafraîchir, puisqu'il devient presque glacial. Au bout d'un moment, tu sens une odeur assez désagréable de terre humide qui te vient aux narines. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, même un point assez froid arrive jusqu'à ton oreille. Et enfin, comme si une zone devenait plus froide, mais genre localisée au niveau de ton oreille. Et une voix se fait entendre à ton oreille. Cette voix, elle est en italien. Tu ne parles pas l'italien, ça tu le sais. Mais le plus surprenant, c'est que tu comprends ce qu'il est en train de te dire. Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'avez-vous fait aujourd'hui ? Je réponds honnêtement rien. Nelson, qu'avez-vous fait aujourd'hui? Rien d'inhabituel. Ne me mentez pas, s'il vous plaît. Je sais que vous avez fait bien plus que cela. Moi, j'ai rien fait. Tu vas me faire un jet de pouvoir, s'il te plaît. Donc, le pouvoir, normalement, c'est dans les grosses caracs. Non. C'est ça? 10 points, je peux utiliser 10 points pour les convertir? Si tu veux. Ouais. 10 points de chance pour réussir ton jet? Ouais, voilà. Et... Ok. Tu vois que il te pose la question pendant 5-6 minutes. Il essaie de passer par des moyens détournés pour avoir une réponse, mais dans l'ensemble, tu tiens le coup. Et à aucun moment, tu ne flanches et lui donnes la réponse qu'il a envie d'entendre. Et au bout d'un moment, il te dit « Eh bien, Nelson, vous êtes plus fort que ce que j'imaginais. Vos camarades aussi. Sachez que je n'ai pas dit mon dernier mot et que notre petite rencontre à Lausanne n'est qu'un début. Dites ça à vos camarades. Oui, je leur dirai. Je peux dormir maintenant ? Bonne nuit, Nelson. Tu vois que... Oui, monsieur. Le point, en fait, la zone froide de ton oreille commence un peu à se réchauffer, que ça devient un peu moins désagréable. Cette odeur, plus tard, de terre humide s'estompe. Et au bout d'un petit moment, la température ambiante redevient normale. Et tu finis par sombrer totalement dans un sommeil qui te sera donc réparateur. La dernière fois, c'était compliqué avec lui. C'était compliqué, c'est exactement. Nous sommes le matin. Vous avez dans l'ensemble fait une nuit assez compliquée, mais vous avez quand même réussi à dormir. Je vous laisse donc vous réveiller tranquillement. Et... allez voir vos amis, boire votre benko. et vous préparer, bah, du coup, pour votre voyage. Vous avez un train à prendre. C'est vrai. Ouais. De toute façon, nos affaires sont déjà emballées, puisque comme on est venu en vitesse... C'est ça. J'aimerais faire quelque chose de risqué. C'est pour ça que j'ai mis le chapeau. Ah oui. Alors, vas-y. Tu vas appeler le bras qu'on a obtenu, le bras de CDFR, le bras gauche de CDFR. Tu veux quoi ? Inspecter. Parce qu'en fait, réellement, on ne l'a pas vraiment inspecté, hein, ce bras. Et je me dis, bah, peut-être il y a un indice autre. Bah vas-y, hein, je te laisse. Hein. Ah, je prends le bras et j'inspecte sur toutes les coutures, du coup. C'est qui l'avait pris à main nue le bras déjà ? La même personne qui porte ce petit chapeau rouge sur la tête. D'ailleurs. C'est pour ça que c'est lui qui inspecte parce que. Il devrait avoir un entonnoir à un moment donné. De toute façon. D'ailleurs. C'est le chapeau qui porte chance là. D'ailleurs, tu remarques au moment où tu prends le bras, avant même de le toucher, que tu as un œil sur ton bras gauche. Et tu vois que une marque rouge, comme une grosse irritation, a commencé à être bien visible. On va dire que ça doit être une marque de un petit bon 10 cm de long sur 3 ou 4 cm de large. Une surface assez irritante. Et de temps en temps, tu as des petites douleurs articulaires dans la main. Voilà. Ça, c'est ce que tu as noté depuis ce Oui, moment-là. bon, j'ai encore le temps avant de prendre un rasoir et commencer à m'écorcher la peau. Ça va, tu n'es pas encore arrivé à ce point-là. Là, plus tard. Tu examines du coup le bras et Ouais. voilà, c'est le bras n'a pas changé, il est toujours le même. Tout va Est-ce qu'il y a bien. des marques particulières? Est-ce que déjà on peut. C'est plein là au niveau de là où c'est coupé. Oui, c'est ça, c'est coupé à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est pas creux et je voilà. Non, non, non, c'est plein. Ok. Je me rappelle pas s'il y avait des symboles. Je crois qu'il y avait des trucs peut-être. Oui, il y a des symboles et en fait c'est des symboles de bras à l'infini sur toute la surface. Oui, voilà. Ok. Bon. Alors moi maintenant je suis convaincu que je suis maudit. Maudit Carlis. Je repose le bras et je prépare mes affaires. Ok. Vous posez donc le bras. Enfin, tu poses le bras et vous préparez pour vous diriger vers l'Orient Express. Après un bon petit déj, un peu de discussion par rapport à ce qui s'est passé la veille avec Nelson. Hein, Nelson qui demande un petit peu d'informations supplémentaires, parce que comme il n'a pas vécu les choses avec vous, mais ça l'intrigue quand même beaucoup. Vous finissez par vous rendre à la gare. Et le train vous attend. Vos places sont réservées. Vous avez une cabine pour Catherine. Je ne sais pas comment vous êtes débrouillé. Une cabine pour deux et quelqu'un tout seul, je suppose. Vous Il y savez que a le prochain arrêt une sera réserve. Milan, de toute façon. Il n'y a pas d'escale, enfin, il n'y a pas de station entre les deux. Et que ça vous prendra à peu près deux heures de temps, 2, 3 heures de temps pour vous rendre de Lausanne à Milan. Est-ce que pendant le train, vous décidez un petit peu de mettre à place tout ce que vous avez comme info ou savoir comment vous allez vous organiser une fois que vous serez à Milan ou... Moi, je tenais à vous dire qu'on, durant ma nuit de sommeil, on est venu chercher à me tirer les vers du nez. D'accord. Ah. Mais qu'à mes souvenirs, et à mes souvenirs, je n'ai rien dit. C'est pas là. Je parle pour vous. Dans le groupe, c'est pas la première fois, mais pour vous, Nelson, c'est pas la première fois non plus, non? Non, c'est pas la première fois qu'on cherche à me tirer les vers du nez, hein. Par la même entité. Je Oui. crois. C'est assez étonnant, du coup. Faire attention, hein. Je sais pas comment ils arrivent à communiquer avec nous comme ça, hein. Très bizarre. C'est du spiritisme. Puis c'est malin, c'est le sommeil, on peut pas vraiment échapper au sommeil donc. C'est ça. Mais jusque-là, il faut croire que vous en êtes plutôt bien sorti. Bah, il passe, je pense, par les dimensions oniriques, quelque part. Donc, ça fait trop de coïncidences. Le fait que vous deviez prendre un D'accord, quel est breuvage le pour chemin basculer, pour le fait parler? qu'il nous interroge dans nos nuits. Peut-être bien. J'entends plus de Jupiter. documents qui nous parlent. Ah si, bah, voilà, c'est le moment où je dis je le retrouve. Mais d'après ce qu'on sait, c'est un Milanais qui doit détenir une autre partie du. Oui, pardon? Parce qu'on t'entend plus loin, donc du coup ça. Ouais, parce que je tourne la tête, mon micro est là et je tourne la tête vers là, tu vois. Oui, alors bonjour. Ça va? C'est vrai qu'en Italie, il y a trois morceaux, hein, donc on va rester longtemps en Italie, hein, pour le bon plaisir des Mignons. Du coup, ouais, répète-nous du coup ce qu'il y a en Italie, parce que peut-être que tes camarades, À Milan, mais. rafraîchissent la mémoire. Bah, normalement, c'était lors du vente aux enchères, c'est un Milanais qui avait pris un morceau du Similac. Donc à Milan, il Un, serait quelqu'un susceptible. quelqu'un qui habitait à Milan. Voilà. Ouais, donc il serait susceptible d'y avoir un morceau à Milan, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Ok. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y en a un à Venise. Donc ça, il faudra poser nos questions certainement au Doge de Venise. Non, je sais pas si ça existe. Enfin, si ça existe encore. Il n'existe plus. Hein. Non, ça fait longtemps. Ouais. Maintenant, il y a un maire. C'est le Moyen-Âge pour moi. Il y a la peste à Venise. Il faut aller voir le pape si tu veux, mais non. Il y a hein. Trieste aussi, où il faudra aller voir un chercheur. Il ne sera pas à Venise non plus. Hein. Mais non, bah, vous savez, bah, du coup, Peter vous rappelle qu'effectivement, il y aurait une partie du... Je rappelle, je sors les notes du cahier du professeur Smith. Hein. Ouais, non, mais après, voilà, je dis ça dans... J'imagine que c'est dans la conversation, le train, voilà, t'es là... Ouais, vous savez, je me rappelle, voilà. Je te mets ça en mode résumé d'une discussion. Donc, vous savez maintenant qu'il y a un morceau... à Milan qui vous attend peut-être. Et Milan, que... Venise et Trieste, donc c'est sur le chemin. Et que là, vous êtes parti pour, à la base, rencontrer Katharina Cavolaro, qui vous a invité très gentiment, très gracieusement à aller la voir à son concert, donc à la Scala de Milan. Donc une salle mythique, hein, la mecque au niveau musical pour tout ce qui est chant lyrique et tout. Donc vous savez que vous êtes des privilégiés et vous allez être au premier rang en plus, en plein milieu. Donc c'est quelque chose que peu de gens peuvent se vanter d'avoir fait dans une vie. Le voyage se pas si mal, vous prenez le temps, vous avez une petite collation avant d'arriver, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de vous restaurer une fois arrivé en ville, une fois arrivé à Milan. Et 2 heures et demie plus tard, eh bien, vous voici à Milan. Ah! Milan, une ville pleine d'histoire, une ville qui a trusté les sommets, qui a trusté les sommets pendant des siècles, qui a été le centre, la capitale de l'Empire romain germanique, où s'est développé le christianisme à travers l'Europe. Qui a eu un petit coup de mou lors des grandes conquêtes espagnoles et de l'empire des Habsbourg, mais qui a su renaître de ses cendres et revenir dans les hautes sphères de la culture et de l'industrie un peu plus tard. Aujourd'hui, Milan, c'est une ville prospère, industrielle, avec les usines d'Alfa Romeo, l'industrie qui tourne à plein. Malheureusement, Mussolini est passé par là et s'est proclamé, Duce. Et les chemises noires se baladent dans les rues italiennes et Milan n'y échappe pas. C'est une période plutôt compliquée. Disons que vous avez un communisme qui est existant, avec le syndicalisme qui est très vivace. Et de l'autre côté, vous avez le parti fasciste avec les chemises noires qui se pète, qui se met sur la gueule à tout va et ça dérape très très souvent. Étant donné que le parti fasciste est au pouvoir, la police a tendance à laisser un petit peu de mou. On va dire que c'est Milan mi-rapide. Hein. Exactement. Mais voilà, la police laisse plus facilement passer des exactions des chemises noires que le contraire. Voilà, les syndicalistes, eux, ils prennent sur la tronche et ils ont le droit juste de fermer leur bouche. Vous arrivez donc dans ce contexte. Milan, pour souvenir, pour certains, certains d'entre vous sont déjà venus à Milan dans leurs souvenirs? Emilio? Un peu, oui. Oui, bah, tu es dans ton pays, après, c'est vrai que Milan n'est pas pour forcé. Le travail. Le travail. Tu te souviens du coup de Milan comme une ville assez joviale, où la joie de vivre est assez présente. Les gens sont plutôt heureux. Il y a une bonne humeur naturelle et envahissante. Malgré toutes ces petites tensions, tu sais que dans ton pays, ça s'est un peu dégradé avec l'arrivée de Mussolini. Vu qu'il y a un peu ce sentiment de cette fée blousée avec la fin de la Première Guerre mondiale, où les Italiens avaient quand même mis pas mal de cœur pour chasser les Allemands et cet empire qui mettait à mal l'Europe. Et que, bah, au final, ils ont perdu plus qu'ils n'ont gagné, alors qu'ils faisaient partie du camp des vainqueurs. Mussolini en a pris, il s'en est servi, et maintenant, malheureusement, c'est lui qui est manette. Vous arrivez donc à Milan, dans cette petite, cette grande gare de Milan. Et J'ai un retour, j'ai un écho. Ah. Alors attends, on va voir. Ah. Je vois que Grenadine, tu as un... Ouais. Pardon. C'est pas grave. C'est bon. Il a disparu, l'écho ? Tout va bien ? Ouais. Ok. Du coup, vous arrivez dans cette gare de Milan. Vous arrivez du coup dans une ville qui est assez industrielle. Même si le centre de Milan est... on va dire plutôt beau, hein. C'est quand même une belle ville. Vous avez vu qu'en arrivant, que le tour de Milan, c'est très industrialisé, c'est un peu pollué, hein. Les étendues assez vertes ont laissé place à des grosses industries, à des fourneaux qui tournent à plein régime. Et quand vous arrivez dans la gare, vous attendez à avoir une ville pleine de vie, qui grouille de monde, et c'est pas du tout ce qui se passe. Vous descendez de votre train, et la gare est bizarrement, et même de façon troublante, vide. Personne. Même pas un chat. Vous tournez autour, enfin vous regardez un peu autour de vous. Mais seulement au bout de 10 minutes, eh bien, vous voyez finalement deux porteurs qui s'approchent de vous pour prendre vos bagages. Je te laisse parler, Emilio. Oui, je... Bonjour, excusez-nous. Bonjour. Oui, nous cherchons des personnes afin de récupérer nos bagages et nous emmener à l'hôtel de ville, de la ville. Si, quel est votre hôtel ? Vous avez une adresse, quelque chose ? Oui, au cours Victorio Emmanuel. Ok, d'accord. Tu vois que... Le porteur qui est devant toi, il est fatigué. Il a une posture très... il est vachement voûté, comme s'il avait travaillé pendant des heures et des heures sans faire de pause, qu'il était au bout de sa vie. Il a une mine défaite. Il essaie quand même de garder... de faire bonne figure, mais tu sens qu'il est vraiment pas bien, et que c'est la même chose pour l'autre porteur qui est avec lui, qu'une nuit ne parle pas. Ils sont tous les deux de bossus et fatigués. Je leur demande quand même, c'est un jour spécial aujourd'hui, il n'y a personne dans les rues. Non, c'est une journée normale. Mais... Je viens de Milan comme étant avec tellement de monde. Et surtout, il y avait plein de vie, quoi. Ah, je sais pas, c'est en ce moment, c'est peut-être les problèmes, la politique, ou peut-être le problème avec la diva, peut-être, je ne sais pas. La diva ? Si, Katharina, Cavallaro, elle a disparu. Vous ne savez pas. Comment elle a disparu? Là, j'en informe directement les autres. Katrina a disparu. Si vous n'êtes pas au courant, elle est arrivée hier, enfin, ou non, c'était un mardi. Martedi, si c'est ça. Et elle est montée avec une personne qui est venue la chercher à son train et nous n'avons pas vu depuis. Alors, je ne sais pas, peut-être elle a peut-être fui ou je ne sais pas. Non, elle avait dit. Enfin, et on sait pas qui est cet homme. Je cherche à mettre la main sur des journaux. Tu cherches des journaux? Ouais. Ok. Ouais, des journaux d'hier, d'aujourd'hui. Bah, à un moment donné, tu tombes, tu te balades un petit peu et tu tombes effectivement sur un revendeur un petit revendeur de journaux qui a même plus la force de soulever son journal, tu sais, pour crier, ou il avait pas la force de crier. Il est là avec ses journaux dans la main, en regardant par terre. Je lui tends une pièce, je lui arrache le journal et. Je sais pas trop lire, mais je cherche le nom de la diva dans les pages. Ok. Je vais traduire par Emilio. Oui, voilà. Alors ça. Je vais être enfin Attends. Utile. Je me dis quand même, ça m'étonnerait qu'elle est partie comme ça, c'était voilà. Son rêve. De... Vous trouvez ça, je vous ai mis ça dans... Vous m'entendez bien ou pas? C'est très faible ton son par contre. Bah je peux pas faire mieux en fait. Comment ça, mais tout à l'heure ça marchait bien et là d'un coup c'est retombé? Comment si c'est passé quoi, je sais pas. Il est écrit en intitulé « Une diva de l'opéra disparaît, on craint qu'elle ait été enlevée ». La police a exprimé la possibilité que la soprano Katrina Cavallaro a été enlevée à la gare de Milan. La chanteuse n'a pas été revue depuis son arrivée de Paris en train à 13h hier. Elle ne s'est pas présentée à son appartement ni n'a assisté aux répétitions à la Scala, où elle doit chanter Aïda, dont la première est prévue pour demain soir. Arturo Toscanini, directeur musical de la Scala, a confirmé qu'il n'avait eu aucun contact avec la chanteuse depuis son départ de Paris. La police demande à toute personne ayant la moindre information sur l'emplacement de la signorina Cavallaro d'appeler sans délai. Nous demandons de tout cœur à tous les Milanais de se joindre à la recherche de notre diva bien-aimée. Moi, je dis que ça m'étonnerait qu'elle ait disparu sans dire à personne, parce que c'était son rêve de chanter à cet opéra. Elle nous l'a même dit que c'était... Ouais, et la dernière fois qu'on l'a rencontrée, c'était en descendant à Paris. Non, en descendant à Lausanne. C'est pas à Paris? Non. En montant à Paris, en fait. Exactement. En fait, la dernière fois, on lui a dit, on se retrouve à Milan, et elle nous a dit, ouais, je ferai un tour de Milan, et je vous dirai, vous pouvez loger à l'hôtel La Scala, et je vous donne deux places pour l'opéra, quoi. C'était ça qui était prévu. Et là, je pense qu'il y a disparition, et... Si mon flair ne sent pas qu'il y a quelque chose du duc dedans ou quelque chose du genre. La chanteuse n'a pas été revue depuis son arrivée de Paris en train hier. Or ça fait un bout de temps qu'on l'a vue. Hein. Bah une journée. Du coup, le gars commence un peu à charger, les porteurs commencent à charger tant bien que mal vos bagages dans un véhicule. Ouais. Et on vous prépare pour aller du coup vous amener tout ça du coup dans vos chambres. Alors je me permets juste de peut-être que vous l'aviez oublié, mais Katerina avait fait en sorte de vous prévoir aussi l'hôtel. Et vous avez... Hein? C'était la Scala, moi j'avais marqué. Non, la Scala, c'est c'est le théâtre. Parce que là, elle vous a fait, en fait, elle vous a invité pour venir voir le théâtre à la, enfin sa pièce à la, enfin son opéra. Je vais arriver à la Scala, mais elle vous a offert aussi l'hôtel dans, en fait, au niveau de la piazza Vittorino Emanuele, dans la galerie, en fait, la galerie de Milan, du centre de Milan. Donc c'est un magnifique endroit. Et du coup, je pars du principe que vous l'avez retenu et que vous avez donné ça aux porteurs qui vont vous amener directement. C'est juste en face de la Scala. Oui, c'est pas loin de la Scala. Hein. Franchement, vous pouvez y aller à pied de là On jusqu'à traverse la deux Scala. trottoirs, on traverse deux trottoirs et on Ouais, est... voilà. Non, donc c'est un endroit emblématique de Milan, là où vous êtes. Ça coûte une fortune de se retrouver là-dedans. Sauf que vous vous retrouvez dans un endroit qui est très populaire, où il y a énormément de monde. Donc il est possible que y ait pas mal de gens en dessous de vos fenêtres pendant que vous y êtes, quoi. Emilio? Oui. Demande aux porteurs s'ils connaissent Katerina et si ils savent si elle était bien aimée ou si elle avait voilà les derniers racontars quoi. Si elle avait par exemple un amant et ça s'est mal terminé ou quelqu'un qui la détesterait quoi. Tu veux, mais je pense pas qu'ils nous Non. apprennent grand chose, hein. Je crois qu'ils en savent autant que nous. Mais du coup, je m'adresse à eux en italien et je leur demande. Mais du coup, il n'y a pas des on-dit sur ce qui pourrait être arrivé à Katrina? Écoutez, je crois que il y en a qui disent que peut-être c'est son amant qui est venu la chercher et qui l'aurait emmenée pour faire une amoureuse, une histoire d'amour autre part. Et d'autres commencent à penser, comme vous l'avez vu dans les journaux, que c'est un enlèvement. C'est très bizarre quand même, hein. Si, nous sommes très inquiets. La population de Milan est très inquiète. Et vous qui travaillez à la gare, vous savez pas qui peut être cet amant? Vous l'avez pas vu? En fait, nous avons vu. Enfin, moi, je n'ai pas vu, mais mon collègue, il a vu, puisqu'il était là. La Caterina est. C'est une personne qui est venue avec sa voiture, une Alfa Romeo, qui l'a appelée, elle est venue le voir et elle est montée avec lui. Et ils sont partis et plus de nouvelles. Ouais, c'est pas énorme, hein, ça. Juste, on sait que le gars, une Alfa Romeo, il a aucun signe particulier sur lui. Vous savez, votre ami, il a pas vu un signe particulier dessus. Non. Il avait un Non. chapeau ou pas? Non, nous n'avons pas vu la personne dans la voiture. Il n'est pas sorti. D'accord, c'était pas, elle était pas décapotée. Si. Ok. Bon, merci beaucoup. De rien, c'est. Bon, Ben, a priori, c'est une personne importante parce que déjà, il se déplace en voiture. Pas tout le monde qui en a une. C'est une Alfa ça c'est Romeo. sûr. Mais je vais essayer de contacter des amis à moi, savoir s'ils savent des choses. Ça pourra toujours être utile. Bon, pendant que vous discutez, vous êtes en train d'être emmené dans le jusqu'à votre lieu de l'hôtel. Vous remarquez que sur le trajet, encore une fois, les rues sont incroyablement vides. Et les seules personnes que vous croisez arborent des mines fatiguées, moroses, comme si elles étaient épuisées. Vous sentez vraiment qu'il se passe quelque chose, mais vous ne savez pas quoi, et c'est l'ensemble de la ville qui est comme ça. Alors vous inquiétez pas, on n'a pas perdu Grenadine, mais Elle revient. Moi je lance comme ça aux deux autres en anglais. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe ici là? On se croirait en Angleterre, à Londres. Les gens ici, ils chantent la vie normalement. Ça me rappelle le train à Londres, justement, quand vous dites ça. Ils sont plus joyeux à Londres. Mais là, j'ai l'impression que c'était pareil qu'en Suisse. En effet, il y a quelques similitudes, comme tu dis, Nesson, avec la Suisse. Est-ce que ça existe, la Milan en Amérique? Vous ne savez pas. Demande aux garçons s'ils connaissent quelque chose comme ça. Genre une boisson qui s'appelle la Milan en Amérique. La quoi? Milano en Amérique. Tu saurais pas, Emilio, s'il n'y a pas un potin sur les célébrités ou un tripot à potin, on va dire. Mais justement, un bar à femmes qui parle beaucoup entre femmes. Ça, je dois connaître ce genre de tripot. Mais je voulais surtout voir quand on serait à l'hôtel, en fait, contacter. Les gars avec qui je travaille et. Pour avoir des informations. Parce que je me rappelle, nous ne sommes pas venus à propos de cela. Pas à propos de la disparition. Oui, mais c'est bizarre qu'elle disparaisse comme ça. Ah, mais je vous l'accorde, hein, c'est. Même moi, je sens un peu l'odeur du duc qui a l'air d'être là, mais pour le moment, j'ai envie de vous dire, je dirais plutôt qu'on a aussi un artefact à trouver. Ouais, je sais bien, mais en même temps, il n'y a pas trop le feu au lac pour l'instant. Donc, si on peut mettre la main sur la demoiselle. Est-ce qu'on sait Aïda, le scénario de d'Aïda en fait, l'intrigue d'Aïda? Après, je sais pas, vous allez me faire un jet d'idée, tiens, si vous connaissez. Moi je sais, Aïda. moi j'ai envie de dire, on doit faire un jet genre d'art des métiers, tu vois, pour au moins peut-être faire un. Tu avais dit, pardon, la compétence Idée. C'est dans les compétences, c'est pas sur internet. C'est dans les grosses compétences. Yes. Ouais. Il y a des succès. Voilà. Il n'y a que des succès. De manière générale, vous savez, vous connaissez Leïda. C'est que ça parle d'une. C'est une opéra qui est basée sur l'époque égyptienne. Et ça parle d'un amour qui est plutôt compliqué entre une femme et un pharaon, je crois. C'était pas ça qu'elle nous avait chanté dans le train? Exactement, elle vous a chanté l'aria de Aïda. Acte 1, scène 1. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Maintenant, faut savoir si... Ah oui, mais tu nous avais fait écouter un extrait qui durait super longtemps. C'est ça. Parce que vous étiez tous émus et vous pleuriez tellement c'était beau. bravo. Enfin, moi, je trouve que c'était trop bien. Mais moi, je me demande si c'est pas la retranscription en fait de ce qui de l'Aïda qu'elle vit en fait. Bah, je vais dire la fois de tourner. Bah, tu vois, le pharaon, ça peut être le duc, le comte, je ne sais qui. Non mais. Enfin, je vois pas pourquoi. Je partirais plutôt sur la théorie d'un amant qui l'a capturé, mais. Oui, non, mais je. Là, quand tu regardes les gens, ils ont l'air d'être un peu. Comme les gens du train, comme ceux du bateau 2, etc. Un peu. Moi, je vois que je sais que toutes les hypothèses sont bonnes à prendre avec ça. Mais c'est. Je propose, hein. Ah, on a vécu tellement. Mais c'est comme, je sais pas, si. Si on vous avait enlevé Charlie Chaplin, hein. C'est un peu ça, hein, quand même, hein, ce qui leur est arrivé. Donc c'est normal qu'ils soient amoureux, hein. Du coup, vous arrivez à votre hôtel, dans cette magnifique galeria. Comment elle s'appelle? Dans la Galleria de Milan. Donc je vais vous mettre une petite photo, vite fait. Comme ça, vous allez vous rendre compte de ce que c'est. Hop. Hop, en espérant que la photo soit bonne. Et je vais mettre même pour les gens... Attends. Voilà, je vais faire ça à l'arrache. Regardez bien. Hop, magnifique. En plein live. Voici la Galleria hein, de Milan. Donc imaginez, c'est une belle galerie fermée avec de la dorure, un dôme de verre et des colonnes qui viennent toutes se rejoindre à un point central. Voilà. Et vous, ben, vous avez la chance de vous retrouver sur cette place-là. Magnifique endroit. Franchement, elle s'est pas fichue de vous, la petite Caterina. Vous êtes au dernier étage et vous avez vu sur les gens. Et pareil, la galerie est quasi vide. Pour toi, Emilio, c'est très surprenant. Mmh. Ouais, c'est Champs-Élysées, c'est même, machin, quoi. C'est même super stressant. C'est super étrange. C'est pas normal, en fait. Un lieu touristique vide, un jour ouvert, un jour... ouais, voilà, quoi. Enfin, imaginez, je sais pas, pour ceux qui connaissent, vous allez sur les Champs-Élysées et vous voyez juste trois pélos qui marchent. En gros, faut imaginer les Champs-Élysées aujourd'hui avec le confinement. Et bien ça, c'est ce qui se passe pour eux en ce moment. C'est ce que j'allais dire. Il y en a beaucoup qui connaissent à Milan. Voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est. Alors que à la base, il se passe rien normalement de spécial là-bas. C'est très troublant. Et donc là, on passe par la galerie, quoi. Ouais, là, vous êtes dans la galerie, vous venez prendre vos appartements. Alors, il y a une chambre pour toi, Catherine. Et vous avez chacun votre chambre. Ah, et vous avez est dans la galerie, j'avais pas compris. Oui, vous êtes à l'intérieur et vous avez vu justement sur la photo que je vous ai envoyée là, dans le serveur dédié. Vous avez vu sur cette place ronde, en fait, la place centrale. D'accord. Et vous avez chacun votre chambre. C'est un sorte de appartement géant, en fait. C'est pas vraiment un hôtel comme on l'imagine, mais c'est un espèce de c'est une suite royale, c'est un truc royal. Ouais, voilà, un truc de plus un hôtel particulier qu'autre chose, quoi. Exactement. Vous voyez d'ailleurs que le thème que vous pouvez voir en regardant par votre balcon représente l'Égypte antique. Et vous voyez un homme qui s'approche d'une femme assise, du coup. Enfin, comme si c'était une scène d'amour et que l'homme allait à la rencontre de cette femme. Voilà. Mm-hmm. Tous les signes nous ramènent à Aïda, quand même. Vous avez vous trouvez d'ailleurs dans la chambre un guide des principales attractions de Milan. Notamment la cathédrale. La Seine. Vous voyez le tableau de Léonard de Vinci avec Jésus. C'est la chapelle Sixtine. Hein? C'est à la chapelle Sixtine, ça. Oui, mais là, il y a un tableau qu'a fait Léonard de Vinci de ça aussi. Qui est présent, enfin, vous pouvez le voir là-bas. Oh. Ok. Quelqu'un est allé en art égyptien, archéologie ? Non. Pas particulièrement, non. Hein, pour voir qui représente l'homme et la femme là, qui bah, voilà. C'est... J'imagine que l'homme il ressemble à un pharaon. C'est qui le pharaon? Bah là on voyait que c'est un homme plutôt avec vous savez l'espèce de toge avec une coupe à la pharaon, enfin pas à la pharaon, à l'égyptien quoi. La femme, pareil. Après, il n'y a pas forcément de signe distinctif, on ne voit pas forcément Il n'y a pas de signe. toque de Voilà, il n'a pharaon, pas quoi. la couronne du pharaon ou quoi que ce soit. Il n'a pas Voilà. les signes ou Et la croix de femme non vie plus. ou quoi que ce soit. Il n'a rien de tout ça avec lui. Et la femme non plus. C'est juste Ouais, voilà, deux. c'est deux personnes. D'accord. Vous voyez aussi que ça vous parle de le palais des Sforza. Donc, c'est une famille de Milan, une famille très puissante de Milan. Vous avez aussi un livre entièrement consacré à la Scala, donc le Teatro della Scala. Et bien sûr, la cathédrale de Milan, qui est enfin, quelque chose qui s'appelle El Duomo, qui est une des pièces majeures, un des endroits majeurs de Milan. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais au téléphone et essayer de téléphoner à deux, trois collègues, amis, contacts, qui pourraient peut-être me renseigner sur ça. Moi, je pose mes fesses et j'essaie de m'en relaxer. Ok. J'ai suivi la route de Emilio et je vais voir si je connais pas une ou deux personnes qui seraient sur Milan, miraculeusement. Ah, c'est une capitale de la mode. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. Tout à fait. Peut-être moyen de voir ce que ça peut faire. On va commencer par Emilio, du coup. Emilio, tu vas me faire un petit jet de chance. T'as combien en chance? 54. Mais comme t'es chez toi, on va dire que t'auras un peu plus de chance. Je te rajoute. Allez. 15. Allez, parce que je suis sympa. Ah oui. Oh, t'avais même pas besoin de ça, de toute façon. Effectivement, tu tombes sur des amis. Enfin, un ami en particulier. Comment il s'appelle? Tony, si tu veux aller. Allez, on Tony? cliché. Ah bah, parce qu'il faut que. Orlando, si tu veux, Orlando. Orlando. Change pas de nom parce que moi je l'écris après, sinon je vais l'oublier. Non, Orlando, c'est bon. Orlando. Ok. Oh, va, Emilio. Comment va? Bien, bien. Ça fait Là, je rentre longtemps. de Londres. Là, qu'est-ce que tu fous là-bas? Et rentre au pays, c'est mieux. Ah, tu sais, c'est le patron. Il voulait que j'y sois. J'y étais, j'ai fait les affaires, tout ça. Et là, Bon. je rentre un peu. T'as ramené des Ah, là, sous? j'ai tout. Tu as ramené des sous pour la maman, si? Les sous sont là. Et ce qui vaut, c'est pas les sous, c'est avant tout le business. Quand le business est là, Si. les sous reviendront Si. d'eux-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Bon alors, pourquoi tu m'appelles? Tu as besoin de quelque chose, peut-être ou... Ah, il y a des informations qu'il me faudrait, quoi. Si. Dis-moi J'ai tout. entendu pas. J'ai rencontré dans l'Orient Express il y a quelques jours Katrina, quoi. Catalina, qui ça? Bah, elle est là, Catalina Katrina. Froccio, la fille qu'on a vue la dernière fois et qu'on Non, a... non. qui était Non, très non, elle a sympa comme d'ailleurs, date. elle était bien sympa, mais j'ai plus de nouvelles d'elle. Non, Cavallaro. Cavoraro? Si. Tu la connais? Ah oui, un peu. Mamma, tu as fait Elle quelque nous a chose avec invités avec. elle, si? Non, mais dis pas ça, Non, je te non, crois non, pas. Tu me non, non. racontes... Non. Non, non, non, je peux pas. Je peux pas me permettre. Ah, petit cachotier, va. Bon alors, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a là? On a un problème, la diva? Elle doit chanter bientôt à la Scala, normalement. Elle nous a invités avec des amis, tout ça. Mais là en ce moment, elle a disparu. Quoi? Ouais. La dernière fois qu'elle a été vue, c'était avec un homme qui l'emmenait dans une Alfa Romeo. Quoi, tu veux dire qu'elle s'est fait enlever? On sait pas encore, aucune nouvelle, donc on suppose. Ah, c'est pas possible, c'est une tragédie, ça. Et certains disent que c'est son amant, mais on ne sait pas vraiment, donc. Ok. Ok, attends, je vais appeler une amie là-bas et je vais te dire, je vais lui dire de venir te voir. Ok. Tout de suite. Bah, Tu je es où? serai. Tu vas t'énerver encore si je te le dis. Ah, tu es où? Ouais, la galère, y'a. Non, c'est pas vrai. Si, Mais tu as fait si. quoi à Londres? Tu as volé? Tu as tout déjà, c'est pas possible. Je vole pas, moi. Moi, je suis le business, juste. Je suis Mais juste canard! business. Mais c'est pas possible. Ouais, non, Bah, il faudra que tu me racontes ça. Et je veux que tu sois gentil avec moi. Hein, parce Oui, bah. qu'il va falloir me rendre des petits services. Hein. Quand on aura terminé toute cette histoire-là, je viendrai te voir. Ok, mais yeah, no J'aurai problème. une bonne bouteille de vin et. Bon, je lui ai dit de venir te voir. Il Ok, viendra parfait. tout de suite et je pense qu'il aura des informations. Parce que moi, tu vois, je suis loin. Hein. C'est loin de la maison. Hein. Oui. Mais tu as de la chance. Bon, Orlando, il a le bras long. Il va t'aider. Oui. Bon, Merci, Orlando. allez, je te laisse. Ciao. Ciao. Bon, a priori, Orlando, il va s'occuper de toi. J'ai compris, Orlando, il a le ballon. Il a le ballon, c'est ça. Il va faire semblant de tomber, mal au tibia. De ton côté, Catherine, tu passes quelques appels téléphoniques aussi. Je vais te demander de me faire un jet de chance. Classique. Ah, malheureusement, la personne qui aurait pu t'aider, eh bien, elle est en déplacement, elle n'est pas à Milan aujourd'hui. Et tu te souviens d'ailleurs que c'est vrai qu'elle devait venir sur Paris et que vous vous êtes croisés a priori. Et du coup, malheureusement, tu ne pourras pas faire appel à ses services. Voilà. Mais tu vois quand même qu'Emilio arbore un sourire quand même satisfait. Bon. Peut-être que de son côté, ça s'est mieux passé. Nelson, tu m'avais dit que tu faisais quoi exactement? J'ai pu. Mais je disais juste que je posais mes fesses et que je me relaxais. D'accord. Et toi, Peter? Oui, Je pardon. pense pas avoir de contact précis en Italie ni de Ok. seconde baraque ou Donc quoi. en gros, c'est relax, quoi. Tranquille. Ouais. Bah écoute, moi je pensais déjà envoyer peut-être un jour un télégramme au professeur Smith. Ce serait intéressant peut-être de l'informer que dans notre avancée. Et je voulais faire un tour à la Scala, du coup. Juste faire un tour. D'accord. Après, Alors, voir si je peux rentrer, s'il y a des trucs. Ouais. Juste. à savoir que on vous a, enfin, le majordome de Monsieur Smith vous a dit que vous aviez aucun moyen de le contacter pour des raisons de sécurité et que vous êtes amené à recevoir de temps à autre Ok. des télégrammes de lui pour De toute lui. façon, Voilà. ça aurait été chiant, fallait que je aille à la gare. Je descends à l'accueil de l'hôtel, je prends Même pas, ici, il y a un télégramme. je prends une carte postale souvenir et je fais timbrer par le service et j'envoie l'adresse mon adresse et je fais savoir à mon valet qui le transmettre au docteur Tu veux transmettre quelque chose au docteur Smith? Une carte postale. Mais où? Vide. Ah, à mon adresse, à Londres, Ouais. et qu'il fasse suivre mon valet, qu'il fasse suivre au docteur Bon. Smith. Mais alors, ça va être envoyé à Londres. Par contre, ton valet ne sait pas du tout où est le docteur Smith. On est bien en contact, moi et mon valet. Il doit avoir des infos. Il doit Bah avoir en des fait, infos. il vous a dit, son majordome, qu'il partait et que vous ne donnez pas l'emplacement où ils allaient pour des raisons de sécurité. Sécurité. Zéro nada. Zéro nada. En fait, il n'y a que lui qui vous donnera des informations par le biais de télégramme. Voilà. Parce qu'il ne veut pas mettre en danger la vie du Smith, parce qu'il sait qu'il est pourchassé par une organisation que vous ne connaissez pas, a priori. Et Tentaculaire. du coup, il préfère se cacher, se terrer. Moi, je vais à la scala. Hein. Du coup, est-ce que vous allez tous à la Scala avec Peter ou pas? Oui, moi je veux bien l'accompagner. Oui. Ok. Oui, on va y aller. Non, Enfin, moi, je peux moi pas. je vais rester parce qu'il faut que je vois mon contact. Mais C'est j'ai juste à envoyé. côté, on va pas aller non plus pendant une demi-heure. Il t'attendra au bas de l'hôtel, il sera content. Bon, au Ouais, pire, de toute ouais. façon, tu peux tout à fait laisser un mot à l'hôtel en disant si quelqu'un vient de ma part, que je reviens sous Vous peu, ou l'installez, qui voilà. qui le fasse monter, qui le fasse Ouais, attendre. ou voilà, ou Ouais. qu'il le fasse monter, et je pense que Ouais. cette personne sera très contente d'être installée là où vous êtes, il me semble. D'ailleurs, les chambres de l'hôtel, on a des champs Il va d'indivis. nettoyer, il va tout nettoyer. Il va mettre Et les mains partout. je donne d'ailleurs mes au personnel, je donne quand même un papier avec mes mensurations pour qu'ils aillent m'acheter un costume. Mensuration. Bah oui, bah il faut qu'il soit Ok, Une box. ils te disent que voilà, Ils seront hein, parce d'autant que plus contents de ça. Il n'y a pas de ouais, un peu problème. mieux. Parce que je suis le seul normalement qui a un costume qui a à peu près pas bien. Enfin, qui mon costume, moi, c'est un costume normal. Hein. Un costume de voyage. Ouais, voilà. C'est un costume. Mais il faut que j'ai un joli costume si jamais on va à un endroit. Voilà. Ok. Donc, vous vous dirigez vers l'Ascala. Alors, vous avez la chance que Emilio connaisse Milan. Hein, il est déjà venu. Parce que pour les autres, vous ne connaissez pas cette ville. Une fois encore, vous y allez à pied. Et encore une fois, vous notez que les gens en ville sont vraiment, mais ils ont des têtes de déterrés. Ils sont épuisés. D'ailleurs, vous allez me faire un petit jet de psychologie, tiens. Enfin, n'oubliez pas de Psychologie. cocher les cases que vous avez réussies. Hein. Attention. N'oubliez pas. C'est rude, hein. Ah, je coche. Emilio Ah, est chez lui, Emilio. donc il a. Oh! Eh, mais. Vous êtes chauds, les deux, là? Ah non, mais il a Et. vu que je Bon, résistais. C'est pour Nelson ça. et toi, Catherine, vous regardez les gens, vous vous dites que, effectivement, les gens ont l'air fatigués. Moi, je me dis plutôt qu'il y a une malédiction qui plane sur pas mal de pays européens, là. Bah, peut-être le Depuis spectre. depuis que l'on a déterré le bras droit. Il y a pas mal de gens moroses. Surtout là où on passe. Du coup. Donc, le bras, voilà. Moi, je me pose des questions par rapport à ça. D'accord. Et toi, Catherine, en gros, tu dénotes que c'est pas la joie dans la ville, mais bon, soit. Par contre, vous, Emilio et Peter, Emilio et Peter, clairement, vous sentez que les gens ont des symptômes de comme une dépression, pas loin. Ça Toi vous qui fait es dans tes vraiment dépressions en penser à des plus. gens dépressifs. Mais de là à ce que ce soit une ville entière qui soit dans cet état-là, ça paraît quand même surprenant. Vous voyez des gens dans des coins qui pleurent, littéralement. D'autres qui regardent le ciel hagards, sans, comme s'ils étaient amorphes, ils savent pas quoi faire. D'autres qui se disputent, qui se crient dessus, et d'autres qui errent sans but. Malgré tout, ils sont tous très bien habillés. On sent quand même que la mode est dans les rues de Milan. Et ce sont des gens qui prennent soin d'eux-mêmes. Voilà. C'est ça qu'on appelle la Grande Dépression. Peut-être. Je comprends alors... pas. Normalement, on entend les gens chanter depuis chez eux. Ah. Oui, mais peut-être ces personnes-là n'habitent pas ici. Du coup, ils chantent plus loin. Mais je suis d'accord avec vous, le cours de l'antidépresseur doit vraiment augmenter. Quelque chose ne va pas et ne tourne pas rond dans cette ville. Je pense pas que c'est la perte de leur idole, enfin de leur... Il y a pas que ça, non, ça c'est sûr. Ouais. Vous voyez quand même que par endroit, et ça vous le voyez tous hein, et toutes, que il y a des portraits de la diva qui sont accrochés ou posés à même le sol avec des fleurs. Et comme si les gens étaient inquiets pour leur enfant. Et vous voyez des femmes qui pleurent en regardant la photo, on a l'impression qu'elle est, elle est presque morte, mais alors qu'elle a juste disparu. Les gens sont extrêmement affligés et tristes de ce qui se passe. Que ça sont meurtris au plus profond d'eux-mêmes. Et quelqu'un leur aurait jeté un sort pour leur faire ça, enfin pour les rendre aussi dépendants à la diva. Oui, c'est vraiment, vraiment, comme je vous l'ai dit, comme Charlie Chaplin. Hein. En tout cas, vous finissez par arriver devant le théâtre de la Scala. La Scala est un endroit, mythique pour les chanteurs et l'opéra. Sauf que extérieurement, c'est ça ne paye pas de mine. Vraiment. Il n'y a pas d'affiche de gros titres. Voilà, en vrai, je vous mets ça devant hein, pour le live, comme ça vous voyez. C'est un immeuble qui fait une vingtaine de mètres de haut. Alors attendez, parce que je vais essayer de vous le faire passer dans le... Ce qui serait marrant, c'est que on nous dise de déposer ce qu'on a dans nos poches, tel les trucs, genre métallique, etc. Bah moi, je te sors une gousse d'ail. Je l'ai depuis la France, ce truc. J'ai pas cette gousse d'ail avec ton bras momifié. Tu vois, là, je sors, et hop, je mets de l'ail et tu... Là, c'est sûr que ça fera sourire n'importe quel Italien, quoi. Et là, pour l'excuse, tu dis que c'est un chef français qui t'a dit d'amener ça. Du coup, voilà, vous voyez, extérieurement, la Scala ne paye pas de mine. C'est un bâtiment assez haut, assez imposant, mais c'est quelconque. Honnêtement, il n'y a pas d'ornements architecturaux très beaux, ouais. C'est très carré, enfin, voilà... Je pense qu'il faut pas se fier à l'extérieur, c'est à l'intérieur que ça doit être magnifique. Voilà. Du coup, vous arrivez devant, qu'est-ce que vous faites? Bah écoutez, j'aimerais quand même parler peut-être... À voir si c'est ouvert déjà. Oui. Ouais. Alors vous arrivez devant la Scala. Il est... 13h, on va dire, 13h à peu près. Et tout est fermé. C'est fermé ? Fermé. Vous voyez qu'il y a des affiches qui annoncent le concert de la diva pour demain soir. Avec voilà, une belle affiche d'elle en train de chanter. Mais les guichets sont fermés, puisque à cette heure-ci, normalement, bah, la Scala est fermée, puisque c'est pas l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un gardien, quelqu'un ? Emilio, tu te souviens que effectivement, à l'arrière du bâtiment, il y a l'entrée des artistes. Voilà. Ben, on y va. Hein. Ok. Vous vous dirigez devant, devant la porte, l'entrée des artistes. Je donne une petite pièce de quelques billets à Emilio au cas où il voudrait graisser la patte, un truc déjà changé. C'est des livres, je crois, également. C'est comment déjà la monnaie? C'est la lire italienne. La lire. C'est des penny deniers. Non. Vous arrivez du coup devant cette entrée et vous voyez un beau bébé, un sacré balèze, un mec assez costaud, avec une belle moustache, une armoire qui fait bien peur à tout le monde, les cheveux gominés, une veste très rouge, très flashy, avec la chemise bleue qui va avec. Et l'italien Spirio. Et oui, il faut faire dans le cliché. Hein. Soyons dans le cliché, faut y aller. Mais tu vois que lui aussi est un peu dans cet état d'esprit de. Avant de s'avancer vers lui, ouais. Le gars, je me retourne vers mes compagnons quand même. Vous voulez que je lui dise quoi, que je lui raconte quoi comme bobard Ce qui serait intéressant, c'est peut-être parler à des personnes qui connaissent Catherine et qui peuvent nous renseigner. Ils vont pas vouloir nous laisser rentrer comme ça. Catherine, pardon. Katharina. Mais on peut demander à Catherine, comme elle est styliste, hein. Je pense qu'elle a son laissez-passer pour les artistes. Hein. On a juste à dire qu'elle est là. Bah, il va demander quand même à quelqu'un, quoi. Il va pas dire non, vous rentrez pas. Tu lui dis. Non, mais oui, vous venez avec moi, je vous présente. S'il faut. Mais c'est. Mais en fait, le truc qui serait intéressant, c'est parler au directeur de ce truc qui peut nous informer parce qu'il doit être au courant de l'enquête. Et peut-être. Il a des informations à nous donner, quoi. Et certainement que les personnes qui devaient jouer la pièce mais qui ne sont pas de portée disparue sont à l'intérieur, peut-être en train de répéter ou des trucs comme ça, mais. Parce que c'est l'heure quand même, ils doivent faire des répétitions avant demain. Hein. Donc je dis ça, c'est intéressant de rentrer, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc soit on dit cache la vérité, on est des amis, on a tout ça, et puis on demande à parler à telle personne, soit on fait passer Catherine. C'est Arturo Toscanini, normalement. Toscanini. Soit on dit que tu nous présentes formellement, comme quoi on recherche notre ami et on va savoir... Moi, j'arrêtais plus partant pour dire que Catherine est là pour faire les costumes et qu'elle est styliste française, faut la laisser rentrer. Si Emilio t'es doué en baratin, baratine, mais après, sinon, voilà, autant être sincère et ça marche le mieux. Et après, tu graisses la patte, si ça marche pas, tu graisses la patte. T'as rien vu, t'as y a ces deux mouches qui sont passées. Je me débrouille en baratin, mais voilà. Sinon, on le cogne et moi je le prends par derrière, je fais un croche-pied et là on rentre. C'est bien. Ça, c'est bien ça. Oui, on pourrait le cogner, c'est vrai, mais. Ouais. Comment ça, on n'est pas dans Donjons et Dragons? C'est ça. Oui, on peut faire ça. Oui, le gars vous regarde un petit peu avec insistance, bon, il vous voit de. Rester comme ça à plusieurs mètres de lui sans bouger en discutant. On est en cercle et on se tient comme ça. je me disais déjà depuis le début, on dirait des chiens en galère à vouloir rentrer dans une boîte où on n'est pas accompagné, tu vois. Mais moi je te dis, hein, s'il faut le cogner, j'ai fait de la boxe. Voilà. Ouais. Et moi j'ai un pistolet. Ouais, ça cogne bien. Ça, je parle de la famille Rogoli, on va voir. Sinon bien. Mais allons le voir avec Catherine. Bah, on vient avec vous, hein. On dit qu'on est les assistants, hein. Et puis voilà. Ah, attendez, je vais faire quelque chose que j'aurais dû faire déjà depuis longtemps. Je suis sûr qu'ils me connaissent, je suis un... Non, vous dites pas que vous êtes acteur, c'est très mal vu dans ce milieu-là. Tu penses? Oui. Ah bah oui. Donc qu'est-ce que tu fais? Je t'écoute. On s'avance tous, normalement. Oh, hola! Non, c'est pas en espagnol ça. Ciao! Comment stai? j'ai oublié que je sais pas parler italien. Arpung! Si. Bonjour. Oui. Bonjour. Je me présente. Je suis Emilio Duranti et je suis là pour accompagner Mademoiselle Lamberstone, Catherine Lamberstone, styliste de renom. Normalement, nous devions voir Monsieur Toscanini au sujet de la représentation et des costumes. Ah, vous êtes Catherine Lamberstone, à côté de moi. Vous êtes Catherine Lamberstone? Non, pas moi. Ah, Emilio Duranti. Ah, ok, la ragazza. Catherine Lamberstone. Et vous êtes Une styliste. C'est ça. Oui, c'est une styliste. Ok. Qui parle même pas sa propre langue, tu sais. Mais je lui traduis en même temps, tu sais. Vous allez me faire un petit jet de... De quoi? De baratin. De baratin. De charme. Charme, c'est vraiment pour séduire. Hein, Emilio, c'est une baratin aussi. Et ça coche des cases. Et ça coche des cases. Oui. Tu es très fort ce soir, hein? Ah ben. Tu veux. J'ai pas été performant le reste des séances. Ah. Va bien. Allez-y, je vous ouvre, mais attention, hein. C'est la répétition, alors pas de problème où je viens vous chercher, hein. Oui, pas de souci. Ok. Merci l'ami. Ça marche. Merci. Prego. Et je lui laisse un petit billet dans la poche. Ah, merci. Comme ce qu'on fait de toute façon en Italie, hein. C'est une bonne chose. Et je repasse le billet à Adelson, d'ailleurs. Quand a Kido. Regardez les billets. Donc vous, la monnaie, mais... on va attendre que Xen revienne, histoire que... Mais vous réussissez, donc vous voyez qu'il vous ouvre la porte. Et que vous allez pouvoir rentrer donc à l'intérieur de la fourmilière. Bah, j'en profite, il est pas là, je me chauffe un truc. Allez-y, profitez pendant que vous pouvez faire une micro-pause. Les gens qui regardent, vous pouvez faire aussi aller chercher du ravitaillement si vous avez soif, chercher des petits gâteaux, ce que vous voulez. C'est le moment coupure. Voilà. Je me retrouve tout seul à parler à moi-même. Voilà, Gossed. Ça va? Tu vas bien? Oui, ça va. Enfin, voilà. Donc, n'hésitez pas à donner un peu votre avis. Comment ça se passe pour vous pour l'instant? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que l'aventure se passe bien pour vous aussi? Parce que même si je ne vous pose pas de questions, mes chers viewers, je ne suis pas moins attentif à ce que vous marquez. Et... ça peut toujours me donner des idées, vous savez. On sait jamais. Ça reste un scénario édité. On peut faire un peu ce qu'on veut, en vrai. Donc, n'hésitez pas. Si à un moment donné, il y a une idée, quelque chose qui vous vient à l'esprit, et que je peux l'incorporer, pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Bon, même si en vrai... c'est une situation tout sauf rigolote, ce qui leur arrive. Mais bon. En tout cas, oui, moi j'avoue que je suis un petit peu fatigué ce soir. Avec le live d'hier où je me suis couché à 3h du matin. Plus la journée qui vient de passer. La fraîcheur n'est pas de mise. N'empêche que pour toi, j'ai bu un café. Merci. À 22h du soir. Ah, mais c'est... merci beaucoup. Je viens de dire que j'étais un peu fatigué et ma femme vient de me prendre ma tasse pour me remplir, me mettre un petit thé. C'est trop mignon. Magnifique. Voilà. Elle est géniale, ma femme. Donc, eh oui, voilà. Ezra-Lantin. Comment ça va, Ezra-Lantin, et comment ça va, Alf? Après, j'ai pas vu qui était là parce que j'ai vu qu'il y avait. Il me semble qu'il y avait encore Elbrout. Alors après, il y en a que je sais pas si c'est des vrais gens ou si c'est des bots. Je ne sais pas. Des bots. Je ne sais pas faire la différence entre les deux. Alors il y a l'hexadécimal, il passe sur ma chaîne aussi. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. 0x machin 626. I'm a bot. Alors c'est écrit. Ah, le petit chien. Salut le chien. Il y a des faux gens. Oui, il y a des faux gens. Il y a des faux gens. Il y a des espèces de bots qui sont là pour. Je ne sais pas quoi d'ailleurs. Je sais même pas quoi ils servent réellement, ces bots. Calculer. C'est calcul. Pour faire du calcul, voilà. Pour te dire en gros, à la fin du live, tu as eu tant de machins. Tant de personnes sont venues, il y a eu 50 messages. C'est pour les stats de Twitch. D'accord. Mais ils sont obligés d'en envoyer au moins 5. Parce que... Non, ils font pas la même chose. Ah, d'accord. Ça recorde, ça recorde. Non, ça tu dois en avoir un qui doit être pour vérifier que le chat, il n'y a pas des propos bizarres et tout ça. D'accord, ok. Mais quoique, non, même pas. Ou ça, c'est juste des bots qui sont autorisés par Twitch en eux-mêmes, en lui-même. Le 0x26, tu cliques dessus, c'est écrit I'm a bot. Voilà, tu te poses même plus la question. Bah oui, au moins les choses sont dites. Il y en a d'autres, je clique sur leur pseudo, ça donne sur un lien, sur un streamer. Qui stream. Oui, oui. C'est bizarre. Je vois, j'avais vraiment compris. Non, Underwood, c'est vraiment un truc vraiment. Il y en avait un, c'est. Ah ouais, c'est le. Silver, skateboarding. Le surf longboard Silver, je sais plus comment il s'appelle ce bot là. Du coup, maintenant que vous êtes tous et toutes revenus, eh bien nous allons pouvoir continuer. Grâce à la performance d'acteur d'Emilio, qui a réussi à embobiner ce petit Marco pour rentrer à l'intérieur. Au style de truand qu'il est, pas d'acteur, attendez, non mais... Vous... Si menti, on devient acteur, mais alors... Vous passez donc la porte... Vous êtes un maître de la matière. Vous passez donc la porte des artistes. Et au moment où la porte se ferme, eh bien, vous êtes pris de visions étranges. Alors, des visions qui sont tout à fait réelles, hein, c'est juste que c'est surréaliste pour vous, puisque vous voyez un nez en bois haut de 3 mètres qui dépasse le long d'un mur. Et vous avez aussi des pharaons qui sont assis en train de fumer le cigare en jouant aux cartes. Du faux sang qui s'écoule sous une porte. Vous entendez aussi des sons qui se percutent sur le long des murs. Vous avez des gens qui sont en train de construire des décors également. Et des voix de gens qui sont en train de s'échauffer. Ah, blablabla, blablabla. Et ça en chœur, genre, il y en a 10, 15. Ces chanteurs qui s'échauffent. Vous avez les gens des instruments qui commencent à régler leurs instruments et à jouer quelques notes. Voilà, c'est une vraie fourmilière. Ça foisonne de monde. C'est très vivant à l'intérieur. Vous voyez que quand vous marchez dans le couloir, vous faites un peu bousculer parce que ça court dans tous les sens. Les gens se plaignent un peu de votre présence. Vous avez l'air d'être vraiment pas à votre place ici, hein, clairement. Ça grouille de monde. Vous voyez que l'humeur des gens est assez mitigée. Ça va de la tristesse, de la confusion. Vous voyez que sur les murs et dans différents endroits des coulisses et des... Vous voyez des photos de la diva qui sont posées avec également des fleurs. À chaque fois que quelqu'un passe à côté, il embrasse. Vous savez, il fait comme ça sur la photo. Vous sentez clairement que les gens sont affligés par ce qui se passe. C'est terrible de perdre. Il est possible de connaître les têtes d'affiche, mis à part la diva. Bah, vous savez que. Mais de toute façon, là, on va aller voir Arturo Toscanini et on va voir avec lui. Hein. Moi, j'arrête quelqu'un. Scusi, où est le bureau d'Arturo, s'il vous plaît? Vous voyez que. On vous calcule pas vraiment. Ça court un peu partout, dans tous les sens. Et même quand tu poses des questions, t'en as qui fait. Ah, je sais pas. Par là, va. Tu vois, genre, limite, ils sont trop débordés. Je le retiens, je dis non. Ils sont trop débordés, ils prennent pas vraiment le temps de t'écouter ou de s'arrêter pour te dire ce qui, enfin voilà quoi. Alors en Sicile là, qu'est-ce qui se passe? Là, si c'est vraiment, voilà, tu vois que vous faites vraiment bousculer. Dans les coulisses des loges, dans les coulisses des loges. C'est plus de l'autre côté, je pense, que dans les loges, en vrai. Vous continuez à avancer, du coup, et vous voyez que au niveau des grilles, vous passez devant des grilles de ventilation. Et le long de ces grilles, vous avez des tiges, enfin des fils qui pendent. Et au bout de ces trucs, vous avez des bras en plâtre qui sont en train de sécher. Qui en fait, vous voyez le plâtre qui fait blam, ça fait un bruit un peu surréaliste. Est-ce qu'on sent le bras qu'on a? Non, enfin, vous voyez que c'est un bras qui n'a absolument. Enfin, ça reste des bras qui sont en train de sécher. Il y a autant un bras droit qu'un bras gauche. Et que. Mais que c'est purement une copie de bras, quoi. Et que c'est un bruit assez désagréable. Vous savez, l'espèce de craie quand on le passe sur un tableau, une ardoise. Mais ça, multiplié par plein de bras, ça donne un son complètement... rien d'y penser, arrête ça me... Oui. Ah, on m'a dit qu'on faisait du Cthulhu et je pensais pas que ça allait être aussi horrible que ça, quoi. Voilà. À un moment donné, vous avancez et là vous voyez un énorme chariot qui vous fonce dessus. J'esquive. Faites-moi un jet d'athlétisme, s'il vous plaît. D'accord. Je fais attention et je vais. j'ai pas d'athlétisme. Il y a esquive par contre, normalement. Ouais, c'est esquive, ouais. C'est esquive et athlétisme, c'est la même chose. Ouais. Non, je prends tout dans la bedaine. Personne ne le voit arriver. mais qui me rentre dedans? J'ai réussi pile poil, les gars. J'ai fait réussite pile poil. Ah ouais, 20, waouh. T'as pas plus dur du coup, tu... Ça, tu me chopes. Ouais, je prends Catherine et je dis attention. Et du coup, je la mets devant le truc et comme ça, je la mets devant moi pour esquiver. Donc tout le monde s'est planté sauf Peter. Ça. Tiens, attends, je me coche la case du coup. Ah oui, coché, important. Non, et Catherine aussi a esquivé, je la prends par l'épaule et je fais attention. Fais-moi un jet de chance pour voir si tu y arrives. Oui, bah tu me connais. Ok. Est-ce que j'aurais pu utiliser de la chance pour diminuer mon jet de chance? Ça n'a aucun sens. Mais... Voilà. Tu as... Effectivement, tu voyais ce chariot arriver. Alors, c'est pas un chariot genre lancé, comme si quelqu'un avait poussé. Vous devinez que... assez rapidement qu'en fait il y a une personne qui est au bout, mais il y a tellement de choses qui se sont amoncelées dessus qu'il sait pas que vous êtes de l'autre côté. Donc lui il avance en poussant son truc et vous êtes de l'autre côté. Toi Peter, tu as senti un peu le truc venir et donc t'as commencé à esquiver et en esquivant t'as eu le temps de choper le bras de Catherine et la tirer juste in extremis. Tandis que bah, malheureusement vous deux, Nelson et Emilio, vous prenez en fait, vous essayez d'esquiver, mais vous prenez le coin du chariot dans le côté. Et du coup, ça vous fait mal. Hein, et vous pouvez vous enlever un point de santé. Ah, vous pouvez pas faire attention. Et quand ça arrive, le gars, il vous dit « Cazzo, dégage !» Oh, ça dégage. Vous avez failli renverser Catherine Lumberstone. Il vous te calcule même pas, il continue. Il s'en va. Il t'a dit « Cazzo, dégage !» et il s'en va. Yo, laisse. Ces Italiens, ils sont tous pareils. Voilà, vous voyez, du coup, dans la foulée, il y a des Égyptiens, des hommes déguisés en Égyptiens qui arborent des fausses blessures hein, de combat, qui passent à côté de vous, qui en chantant, avec, vous savez, une discussion assez véhémente, quoi, mais genre dans l'humour, quoi. Peut-être les premières personnes que vous croisez qui n'ont pas l'air d'être malheureuses. Du coup, après, vous voyez, en continuant, au bord d'une porte, plein de têtes en bois tranchées, hein, qui sont là, déposées en gros paquets. Et du coup, vous savez que vous pouvez pas passer cette porte, ce qui vous oblige à continuer dans un autre couloir. Mais ce couloir est beaucoup plus sombre. Vous entendez au loin toujours des crissements de plâtre qui donnent un peu ce côté dégueu que je vous ai raconté tout à l'heure. Voilà. Vous allez tous me faire un petit jet de volonté. Savoir si on résiste à ce crissement de plâtre. Non, c'est à savoir si vous arrivez à garder votre calme dans toute cette cohue, ce chaos qui pour vous est vraiment un chaos. Plutôt, alors. Non, non, c'est volonté. Volonté, c'est où Oui, pouvoir. Excuse-moi. Yes. Je ne garde pas mon calme. Je suis un homme en colère. Première réussite de la soirée. Et ben voilà, tu vois, les GTM. Tu peux cocher la case. Non, ça se coche pas, non. Bah, en fait, elle ne réussit que les cases, que les trucs qui ne se cochent pas, c'est tout. Moi, l'idée décide, il faut juste réussir les jets où il y a besoin de cocher une case. Alors, Emilio et Catherine, vous avez réussi, c'est ça? Yeah. Ok. Donc, vous voyez clairement, Emilio et Catherine, que vos deux camarades, Nelson et Peter, sont totalement perdu dans ce chaos. Toi, Catherine, t'as l'habitude parce que t'es styliste, des défilés, ça se passe toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça, des modèles qui ça part dans tous les sens. T'as les couturières qui passent avec leur tissu, tout ça pour faire pour peaufiner les derniers trucs et tout, les dernières robes. Et toi, Emilio, ça te rappelle un peu la maison, tu vois, là-bas, là d'où tu viens, quand tu vas faire le marché, ça grouille de monde, ça va toujours dans tous les sens, il faut être vif, c'est quelque chose que tu connais déjà, et même à Londres, dans les quartiers où tu as traîné, c'est un peu ça aussi, quoi. T'as pas le temps de traîner, il faut aller vite. Du coup, vous arrivez un peu à vous repérer et vous retrouvez du coup un peu plus loin dans le coin et vous arrivez dans une salle où vous voyez un homme qui pourrait correspondre. Puisqu'il est un peu plus... il y a toujours une personne qui est avec lui, avec des papiers, et en train d'écrire derrière lui pendant qu'il parle. Qu'est-ce que vous faites? On va aller le paguer, je pense. Voilà. Donc, Peter et Nelson, vous suivez Catherine je et peux, je peux faire que Je peux faire que ça. Dans ce milieu, je parle pas italien. Ouais, moi, je regarde Nelson et je lui dis... Je sais pas ce qui se passe. moi non plus. Moi, tout ce que je sais, c'est dire pas comprendre. Pas comprendre. Votre tarif taxe n'est pas bonne, Nelson. Je suis américain, on n'est pas doué dans les discussions. Ouais, vous n'êtes pas doué, c'est vrai. Donc vous plantez devant cet homme. Non, mais oui. Le gars, vous regarde même pas. Vous voyez, il est là. Ah si, mais apporte ça là, épouse ça là. Non, mais ça va pas. Toi, tu fais pas les choses comme il faut. Ah là là, la note, elle est pas bonne. Hein. Dis au trompettiste de partir là-bas, s'il te plaît. Et tu vois qu'il limite, il te pousse, il te calcule même pas. Tu vois, il est là. Ah, épouse-toi, toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, toi, non, la harpe plus à gauche. Ça va pas comme ça. Allez, allez. Monsieur Toscanini, Arturo, Toscanini. Quoi? Si, c'est moi, alors. Oui. Tu fais quoi? Je me présente. Emilio Durante. Voici Peter Franklin, Nelson Bessborough et Catherine Numberstone. C'est ça. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, là? Moi, je suis occupé, là, vite. C'est nous qui pouvons faire quelque chose pour vous, je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Faire quoi de spectacle, ton pas à l'eau? Hein? Le spectacle? Comment ça? Dis-moi. Et toi qui s'arrête un la peu représentation. Et l'Alfa Romeo qui a récupéré votre prodige. Quoi, tu parles de Katrina? Vous savez, Katrina a demandé qu'on garde 4 places pour ses amis. Ah, vous êtes des amis de la diva? Oui, c'est nous. Fais-moi un jet de baratin. C'est pour sa persuasion. Ouais, ouais, parce que lui... Je sais pas ce qu'il dit, mais j'approuve de très très loin. Hop là. Putain, t'aurais pu cocher la persuasion, quoi. Mais persuasion, persuasion j'ai, mais j'ai pas beaucoup en persuasion. Oui, normalement tu dois être à 25 de base. 35. Non, mais parce que je préfère utiliser la compétence où il est le plus à l'aise pour ce genre de choses, puisque un Emilio il va jamais s'améliorer. Oui, voilà, mais pour l'instant, bon, il est. En attendant. Dans... Voilà. Je plaisante. Ton baratin. Alors, vas-y, fais-moi un peu ton baratin. Je veux voir comment tu vas me baratiner. En fait, je le baratine pas, je lui dis juste la vérité. Oui, mais voilà, je veux quand même un peu de jeu, okay, tu vois. Hey, okay. Je vais voir l'Emilio, la merde. On est actuellement en train d'enquêter sur tout ce qui se passe, sur ce soi-disant amant qu'il aurait récupéré, voir si on peut pas retrouver la plaque d'immatriculation de l'Alfa Romeo, tout ce genre de choses-là. Et justement, car on se soucie beaucoup de notre ami. Et nous aurions voulu voir avec vous si vous n'auriez pas des informations supplémentaires, nous permettre de nous aiguiller vers des pistes et tout ça. Écoutez, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Je suis très embarrassé, très peiné par son absence. Si, bien sûr, ça me pose un grave problème parce que c'est la diva. Oui, mais je ne peux pas. Il y a énormément d'argent dans cette concert, de cet opéra. Alors, demain soir, que la diva soit là ou pas, nous devons jouer. Elle a une doublure qui est présente. Si. Alors, si elle n'est pas là, c'est sa doublure qui va aller chanter à sa place. Mais c'est vrai que j'aimerais vraiment avoir des nouvelles. Alors, vous pouvez rester ici si vous voulez enquêter, peut-être chercher des choses dans la Scala, je ne sais pas. Mais une condition. Hein, c'est que vous ne foutez pas le bordel. Vous avez pu le voir dans l'organisation, ça part partout. Peut-être vous n'avez pas l'habitude de ça, mais c'est très important pour nous. Et alors, bon, voilà, vous pouvez interroger le personnel, mais voilà, ne le dérangez pas trop. Sinon, je serai obligé de vous faire sortir. Ok. C'est vrai qu'il... que mes amis se tiennent bien. Quoi? Et je retranscris tout ce qu'il leur dit. Vas-y. Bah, est-ce qu'il parle anglais? Non. Bah, tu lui demandes s'il connaît pas la personne qui s'occupait de la diva. Par exemple, elle avait certainement bonne à tout faire quand elle était dans le train. Donc, ouais, son assistante, ouais. Oui. Ouais. Son assistante, non, mais plutôt maquilleuse, etc. Quoi. Oui, oui. Eh bien, si, elle a une assistante. Qui est normalement à son hôtel, à sa chambre particulière. Hein, vous pouvez la trouver là-bas, je pense. Elle est traumatisée. Vous voyez, comment dire, c'est comme une personne de sa famille pour elle. Alors peut-être vous pouvez aller la voir. Hein, c'est. Comment elle s'appelle, celle-là? Je perds la tête. Hein, Yasbel. Yasbel. Ah. Au plus commun, Isabelle. Mais Yasbel. Yasbel. Si. C'est sa femme de chambre. D'accord. Ok, mais merci de nous avoir accordé de votre temps. Voilà, peut-être elle aura plus d'informations pour vous, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas. Elle n'est pas venue me voir, je suis comme vous. Voilà. Mais voilà, si vous voulez encore poser des questions personnelles, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais comme je vous dis... elle était proche de... des gens ici ? Si, ben, vous voyez vous-même, hein, les gens sont attristés, même en ville. Nous avons toujours aimé la diva, vous savez, elle est d'ici. Donc, oui, la c'est ville une enfant la plus grande du pays bien. Et c'est un exemple pour nous. Et c'était un grand moment pour le peuple de Milan de l'avoir chanté. Et vous voyez que la ville entière est affligée. C'est terrible, terrible. D'accord. Peut-être voir aussi avec celui qui jouait le pharaon. Peut-être que lui aussi il a des... Ah, si vous le trouvez, mais... Vous voyez là, je crois que... Moi, je m'occupe de la musique. Essayez peut-être de voir le directeur plus de la mettre en scène. So, vous voyez. D'accord. Et il se trouve vers où ? Dans son bureau, peut-être ? Ah, il doit être, quelque part dans le coin. Attendez que je cherche la page. Ah, ouais, j'ai plein de papiers, hein, moi je dois trouver tout. Attendez. Voilà. C'est. Attends. Il faut chercher Paolo Risconti. Risconti, c'est un directeur, mais c'est le directeur scénique. Si, peut-être vous allez trouver sur la scène, peut-être. Ça paraît logique. Voilà. D'accord, merci. Bon, je dois y retourner, je suis désolé. Pas de souci. Voilà, je vous souhaite bon courage et j'espère que vous allez la trouver, la diva. Merci. Oui. J'en ai besoin pour demain soir, alors dépêchez-vous. On va faire ce qu'on peut, hein, c'est bon. Si. Quelle belle langue italien quand même. T'as vu ça un peu? Genre, ils ont un mot pour tout, surtout pour donner de faire des trucs à leur place. C'est incroyable. Alors, ouais, je leur dis tout ce qui se passe, qu'il faut retrouver Paolo, Isabelle. Isabelle. Enfin, Isabelle. Et puis voilà. Ça sera pas une mince affaire pour le Scooby Gang. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes du coup devant Arturo. Bah, tant qu'on est là, on va chercher le directeur scénique, hein. On va pas aller à l'hôtel pour aller voir l'assistante. Hein. Ok. Donc, vous réussissez tant bien que mal à vous faire indiquer à peu près où est Paolo. Et vous le trouvez dans les coulisses. Il est en train... organiser plein de choses. Vous voyez que c'est un peu le même modèle qu'Arturo. Il a une assistante qui la suit partout en train d'écrire plein de choses et tout. Mais vous voyez que c'est quelqu'un de très très occupé. Je refais pas Arturo 2, hein, parce que. Ouais, mais. je réexplique la même chose qu'à Arturo. Qu'on est là et qu'on aurait besoin d'informations par rapport aux comédiens, enfin aux performeurs, on va dire. Aux performeurs qui seraient en liaison directe avec la diva. Eh bien, pour dire, la diva n'a jamais rencontré le comédien. Ils ne se sont jamais vus. C'est la première fois qu'ils vont performer ensemble. Mais même lui, il est très fier de pouvoir chanter Cladiva. Et c'est très attristé par par sa disparition, vous voyez. Mais vous savez, nous, dans le de la musique, le théâtre, l'opéra, nous sommes très, comment dirais-je, superstitieux. La superstition est très pesante chez nous. Voilà. Et nous essayons de ne pas, comment dire, amener le mauvais œil sur cette représentation. Ouais, ouais. Voilà. C'est bizarre parce que ça se passe comme dans la pièce, en fait. Ah bon? Bah, Aïda qui part avec son être aimé. Ce que disent certains, que ça serait avec son amant qu'elle serait partie. Ah, peut-être, mais... Il se passe quoi à la fin de la pièce? Merci, je ne le sais pas. Tu me parles dans des questions que je ne sais pas moi-même. Voilà. Désolé, je n'ai pas révisé mon Aïda. Elle se suicide. Voilà, elle prend malheureusement une balle venue de nulle part qui n'était pas encore été inventée. À l'époque. Non, mais pas le prisonnier. je chercherai plus tard au pire. D'accord, très bien. Vous avez des questions, vous? Je me retourne vers mes camarades. Hein. Écoute, est-ce qu'il le savait si elle avait un amant, du coup? Ah oui. Vous saviez qu'elle envoyait quelqu'un? Non. Je sais que on parle de ça, peut-être, que c'était son amant qui venait la chercher au train. Mais c'est tout. Vous savez, c'est une diva. Des amants, je pense qu'effectivement, elle doit en avoir, mais... Mais on ne sait pas tout. Oui. Voilà, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie. Est-ce qu'on peut faire un test de psychologie pour voir à peu près ce qu'il n'a pas l'air de nous mentir, s'il n'a pas l'air stressé? Vas-y. Bah, je pense que les autres aussi, mais moi je propose pour... Allez-y. Un test en psychologie. J'attends de voir les autres, mais je vais vraiment cocher ta case. Hein. Je l'ai déjà coché. Ah ben voilà. Et moi, je ne la cocherai jamais. Bah écoute, je vais utiliser deux points de chance pour réussir, Gossel. Non, mais même si tu utilises la point de chance, ça te la débloque pas. Je l'ai déjà coché. Ah oui, mais Emilio, il a pas... Ah non, c'était pouvoir. Merde, je suis pas descendu assez bas. Bah, il y a Nelson qui a réussi. Ah, mais non. Non. Tis, ouais. Eh bien, d'accord, bah tu réussis. Bon, vous le regardez, pour vous, ce qu'il vous raconte, c'est ce qu'il vous raconte, hein, il n'y a pas de problème. Et Peter, toi, tu le regardes un peu plus avec un peu plus d'insistance. Voilà, comme ça, là, c'est... Mais tu vois que ce qu'il te raconte, effectivement, c'est a priori la vérité. Mais ce qui est fou, c'est qu'il se dit, tiens, il ment, alors qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Non, mais je peux voir ses réactions, tu non, vois. Non, il a dit, si l'œil gauche bouge, il ment. Non, mais tu vois, par exemple, si tu vois, ça se voit quand quelqu'un, tu vois, il détourne le regard. Ou des trucs comme ça, quoi. Oui, ou bien, et pas à l'aise avec un sujet, oui. Voilà. Ouais, non, c'est sûr que... La psychologie passe la frontière des langues. Ouais, c'est... Je crois que c'est Freud qui l'avait dit. Il y a de la gestuelle, ouais, il y a beaucoup de gestuelle, ces trucs-là, quoi. Mais du coup, non, a priori, tu vois qu'il est pas en train de te raconter de la merde. Voilà, le point de chance perdu. Ah bah, tu peux pas le savoir si tu le fais pas. Non, mais je suis... Et du coup... Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, on n'a pas d'autres questions. Oh, pas. Enfin, moi, est-ce qu'il était arrivé avec elle, du coup, à la gare de Milan? Où il était avec déjà la bonne? Non, non, lui, c'est lui qui est venu. Il y en a un qui est venu la chercher, mais il ne l'a jamais vu, en fait. C'était Arturo. Arturo qui était venu la chercher et qui ne l'a jamais vu. D'accord. Ouais. Et il y a son amant. Et des gens, donc, du coup, qui ont vu la diva rentrer dans une manière. S'il lui connaît des ennemis ou des personnes qui voudraient lui nuire. Et il te dit que non. C'est okay. La diva, elle a pas d'ennemis, tout le monde l'aime. Ça ferait bien plaisir à sa remplaçante, hein. C'est pour dire Lascala. Je sais pas tellement si ça lui fait plaisir, parce que elle, ça lui met un track de ouf. Hein. Non mais je l'accuse pas, hein. C'est pas comme si c'était... Ah, c'est elle. Elle s'est déguisée en homme et... Elle conduit une Alfa Romeo en homme. Déjà rien que pour ça, elle peut t'arrêter et mise au fer. Hein. Ah. Mais à part ça, oui, bah, on n'a pas trop de questions en fait à Paolo, c'est le directeur scénique. Qu'est-ce qu'on aurait pu omettre dans cette histoire? Non, mais vraiment, il y a. Non, j'ai lu un message qui est passé. Pour moi, non, tout ce pas, qui est moi, occulte, mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de connaissances. De... C'est bon, apparemment, vu ce qu'on a vécu récemment, je pense qu'il y a peut-être un lien. Ou alors, c'est moi qui commence à vraiment voir des choses qui ne sont pas là, mais je trouve l'état de la ville est peut-être un peu exagéré par rapport à ça. Ça vous a vraiment choqué, hein, par contre. L'état de la ville, c'est très. Il n'a pas l'air à mort. Ouais, en fait, je vais pas vous le dire à chaque fois, mais faut dire que dans l'idée, là, il est dans son travail, donc il est très pris. Mais tu te dis que peut-être, s'il était dans son état normal, il serait peut-être moins véhément, moins envoyé chez tout le monde. Mais tu sens quand même que l'humeur générale est la même partout, quoi. En gros. Voilà, c'est en gros ce que vous avez. Alors est-ce que vous faites, vous décidez de continuer à creuser dans la Scala ou vous sortez? Moi, je vois pas ce qu'on pourrait savoir d'autre dans la Scala. Je vois pas ce qu'on pourrait demander à l'acteur qui joue. Bah non, mais même lui. Après, vous savez que Arturo vous a donné le droit de revenir. Hein. Vous avez le droit de rentrer et de revenir sans problème. Mmh. C'est pas genre un one shot et genre dès que vous serez sorti vous aurez pu en rentrer. Du coup est-ce que on peut fouiller sa loge? La loge de la diva? Ouais. Je crois qu'elle est même pas arrivée en fait. Elle a peut-être reçu des lettres ou des trucs comme ça. Dans sa chambre, dans son hôtel. Bon après c'est peut-être con ce que j'ai dit. Elle a pas eu le temps de prendre ses appartements en fait. Elle a son. Oui ça je sais. Mais je me dis, ces affaires ou des trucs comme ça, comme des lettres, ont pu être là. Après toutes les lettres, ça doit être beaucoup d'admirateurs, donc filtrer les lettres comme ça, et voir les lettres perso qu'elle a reçues, ça va prendre du temps aussi. Oui, mais si elle a reçu des lettres d'amour signées, tu vois, on peut peut-être les voir. Je pense qu'elle a dû en avoir beaucoup. Parce qu'elle est certainement pas perdue. Non, mais elle est certainement pas partie avec un inconnu, quoi. Enfin, ah non, voilà, après vous me dites que conversation. Si elle est montée dans la voiture... Et en gros, quand elle est rentrée dans la voiture, il n'y a pas eu de cri de quoi. Et elle a dit genre au revoir à tout le monde et elle s'est barrée. Donc c'est que, a priori, la personne avec qui elle est montée, elle la connaît. Et que elle portait un chapeau ou pas, son là? Non, elle est-ce avait. Que, est-ce qu'elle portait un fez rouge sang? Non, vous avez pas vu la personne qui était à l'intérieur. Personne n'a vu. En fait. Bah du coup on va voir la secrétaire, l'assistante, elle doit avoir certainement les lettres et à son hôtel, elle va nous en dire plus. Ouais. Okay. Bah l'hôtel c'est pas l'hôtel où on crèche. Non, elle est pas au même endroit que vous. L'autre pas loin. Elle est pas loin. C'est clair. Elle est pas loin parce que tous les hôtels gravitent un peu autour de la Scala, justement les hôtels de luxe hein, du moins. Du coup c'est pas loin. Donc vous sortez de la Scala. Et regardez là-bas, c'est la cathédrale. Magnifique. Vous voyez la cathédrale. D'ailleurs, si vous voulez y aller, vous pouvez. Il hein. n'y a pas de problème. Hein. On n'a pas trop le temps, je pense. Du coup, hop. Il faut que je me remette sur les bons trucs. On va s'en remettre à Dieu. Donc vous arrivez devant les appartements de Katerina. Vous voyez encore une fois sur votre trajet que toujours la même chose, le même schéma, des gens tristes qui pleurent et qui sont dépressifs. Vous voyez que l'appartement de la diva est assez luxueux. Il se trouve sur la Via San Carporforo. Vous montez du coup à... Vous arrivez à monter, on vous laisse monter. Hein, parce que Emilio est très persuasif. Et vous voilà devant la porte de son bon appartement. Vous êtes il n'y a fait aucune persuasion, bien sûr. Vous êtes devant la porte de la diva. On frappe. Pas la diva, mais la porte. Non, on frappe à la porte, oui. La porte s'ouvre. Et vous voyez une femme plutôt une quarantaine d'années, 40-45 ans, brune, assez bien habillée, mais vous voyez clairement que ce ne sont pas des habits de femme de la haute société, mais plus d'une femme de chambre, qui ouvre la porte avec un regard, enfin une attitude assez inquiète. Moi, j'ai juste une question. Est-ce qu'on l'a pas vu dans l'Orient Express quand, pendant la prestation de la diva? Ah, j'allais faire un jet à la main. je sais plus si vous l'avez vu. Techniquement, elle doit l'accompagner partout, donc je sais pas si on l'a vu ou pas. Ah putain, je peux pas lancer le jet. C'est quoi cette histoire là? Ah putain, c'est Fantasy Grand qui me fait son petit lag des familles. Voilà, c'est bon, j'ai le droit. Allez, je vais. Ouais, on a vu les résultats en plus. Ouais, bah c'est bon. Vous avez vu. Là donc vous avez rencontré la femme. Elle vous reconnaît. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. Vous parlez seulement italien ou vous parlez aussi un peu anglais? Je parle un peu anglais. D'accord, bah on va essayer. C'est pour que mes amis puissent comprendre en fait ce qu'on va se dire là. Oui, je peux comprendre, c'est bon. Vous vous souvenez de vous, de nous oui. On s'est vu dans l'Orient Express. Oui, je me souviens de vous, oui. C'est une tragédie. Elle a disparu. Nous avons appris, c'est terrible, vraiment terrible. Du coup, vous étiez auprès d'elle en fait. Oui, un homme est venu, enfin un homme, une personne est venue avec une voiture, une Alfa Romeo, de ce que j'ai compris, moi j'y connais rien en voiture, mais on m'a dit que c'était une Alfa Romeo RL. Alfa Romeo RL. RL. Et elle est partie le voir. J'avais jamais vu cette voiture avant. Et elle est montée dans son véhicule et elle nous a fait un signe. Du coup, moi, je me suis pas trop inquiété vu que je sais que elle est très impulsive. Elle a souvent des décisions assez irréfléchies et subites. Mais de là à ce qu'elle loupe le spectacle à la Scala et qu'elle ne se présente pas aux répétitions, je ne peux pas croire ça. Ça va à l'encontre même de sa. Et puis c'était son rêve. C'était son rêve de chanter là-bas. Oui. Ça me paraît très bizarre aussi. Voilà. Après, au début, je vous dis, je me suis pas inquiété parce que ça arrive souvent que les sopranos de son envergure soient accueillis par des riches mécènes ou par l'opéra. Mais elle vous a dit que quelqu'un venait la chercher ou pas Non, pas du tout. Je n'étais pas au courant de ça. Quelle couleur la voiture C'est une voiture crème. Noir, crème. Ouais. Merci la photo. Ouais. Du coup, elle était. Vous avez pas vu la tête de cet homme ? Non, je n'ai pas vu. Je sais même pas si c'était un homme ou une femme, personnellement. Mais bon, ouais. Je pense que ça doit être un homme, une femme. Je ne vois pas une femme conduire, comprenez ? Ouais, oui, c'est problématique. Ah, c'était pas quoi, ils avaient. Les femmes n'avaient pas le droit de conduire, c'est ça ? Mm. Bah du coup. Vous avez essayé d'aller voir la police, je ne sais pas, peut-être. Mais ça va être vous qui avez, vous devez avoir certaines clés. Vous êtes la personne qui l'a côtoyé au plus proche en fait. C'est pour ça qu'on vient vous voir. Et puis que voulez-vous savoir ? Elle a eu un comportement bizarre ces derniers temps ? Non, pas du tout. Même très contente. Son rêve allait enfin se réaliser. Voilà, vous l'avez rencontré, vous l'avez vu. Oui. Elle était heureuse, épanouie. Et de se dire que demain soir, elle allait chanter enfin à la Scala et chanter l'aria. C'était le plus beau jour de sa vie. C'est pour ça que je ne comprends pas. Je suis très inquiète. Et du coup, son bonheur d'un point de vue du travail était là, et elle arrive à sa consécration. Bien mais sûr. Celui de ses amours, on vous a parlé d'un homme qu'elle voyait en ce moment ou non, qui lui écrivait peut-être Non, pas spécialement. Elle a bien eu des amants, mais non, il n'y a pas eu de. Elle n'a pas eu de soucis particuliers avec eux ces derniers temps. Du moins, pas à ma connaissance. D'accord. Excusez-moi, je suis tellement soucieuse, tellement inquiète. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Non, mais nous aussi. C'est pour ça qu'on essaie de. N'importe quelle information que vous avez vers où elle aurait pu partir. Un endroit dont elle vous aurait parlé, une personne dont elle vous aurait parlé, que vous ne connaissiez pas avant, ce genre de choses-là. Une correspondance Non. Rien. Une de... amie chère Non plus. Je vous assure, on devait vraiment juste venir là. Un endroit qu'elle aime particulièrement dans la ville. La Scala. Et la cathédrale aussi. Elle adore se recueillir à la cathédrale. C'est vrai qu'elle avait parlé de la cathédrale. Ah oui, elle adore se retrouver tout en haut de cette cathédrale pour regarder la ville de Milan. Voilà, je ne sais quoi dire. Je sais que la police est sur l'enquête. Ils m'essaient de me donner des informations le plus qu'ils peuvent. Et c'est de ça que j'ai eu le modèle de véhicule, mais je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Alfa Romeo, chez nous, c'est tellement commun. L'usine est juste à côté. Et au pire, on peut aller voir pour les RL, parce que c'est peut-être pas un modèle courant, déjà. Essayez... Mais voilà, en tout cas, voilà, vous savez, les endroits, essayez peut-être la cathédrale, je sais pas. En tout cas, merci, madame. Vous êtes fatigué, Emilio. Ça me peine énormément. C'est le voyage. Ouais. Le décalage horaire, hein. Le jet lag. Non, je dors très mal dans les rêves, il dort très mal. Dans les rêves. Je viens dans le train, mais dans les rêves aussi, oui. C'est du mal à Lausanne. Ma Lausanne me manque. Voilà. Voilà, je ne sais quoi vous dire. J'espère que vous pourrez la retrouver. Approchez-vous de la police, je ne sais pas. Essayez de voir. Peut-être qu'ils auront des informations qu'ils ne m'ont pas données. Dites-leur que vous venez de ma part ou je sais pas. Oui, bah, essayez de voir. Merci encore. Bah de rien, et puis surtout, Et n'hésitez pas à si revenir me jamais voir. quelque chose vous revient, n'hésitez pas à me Oui, contacter bien et là je sûr. donne l'adresse. Bien sûr. On a le temps d'aller voir la police, hein. Ça va, Emilio? Tu arrives à parler avec la police de Milan? Bah oui, pourquoi j'y arriverais pas? Bah, vous me connaissez, donc ça, bien sûr. Comment ça, on se connaît? Comment, comment ça? Vous savez, je suis consultant et expert sportif, moi, donc c'est ça mon métier. Hein. Voilà, tu me donnes un pari, je te fais gagner de l'argent, tu vois? C'est C'est ça ça. mon métier. Hein. Je vois pas pourquoi je connaîtrais la police comme ça. Donc, pour vous, les Italiens sont tous des roublards, des personnes viles. C'est raciste ça. C'est raciste. Ah Hein. bah là, c'est clairement. Moi, je connais que les Italiens de New York. Hein. Ouais. Moi, je connais que les Américains d'Amérique, de toute façon. Du coup, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous Bah, avez à peu police. près un quart d'heure avant la fin du time-up. Plou. On peut demander des renseignements à la police. On dit qu'on vient Ouais. pour renseignements, quoi. Tout simplement, on leur dit on est inquiet pour la diva et on aimerait savoir ce qu'il en est de l'enquête et surtout s'ils ont retrouvé à qui appartenait l'automobile, quoi. Ok. Juste une chose que je peux faire là pour cette enquête, parce que je sais pas. Je peux toujours demander à Emilio, parce que je n'ai pas parlé italien, à moins que Elgin Standardiste du côté d'Alfa Romeo qui sait parler anglais. Contacter Alfa Romeo, savoir avoir accès à la liste des clients qui ont acheté une Alfa Romeo RL couleur beige. La police est déjà sur le coup, c'est eux qui savent le modèle de la voiture, donc c'est pour ça que je propose, pour gagner du temps, hein, qu'on n'aille pas à l'usine pour simplement avoir la même info qu'on aurait à la police. Ouais. Et je pense pas qu'ils donnent les clients comme ça à n'importe qui, quoi. La police non plus. Pas comment qu'ils soient Ah africains, bon, je juifs. pense qu'on a plus de chance, hein. La police peut prêter une oreille attentive à ce qu'on a à lui dire. Du coup, Surtout qu'on est envoyé par Isabelle, quoi. vous vous rendez du coup au poste de police de Milan? Ouais. Isabelle, les yeux bleus. Isabelle. Vous arrivez donc du coup dans les rues de Milan, encore une fois. On va Oh, c'est dire lui qu'il le plus est proche de chez Isabelle, hein, Milan. pour le coup à peu près 18h, entre 18h et 19h. Le soleil commence un peu à gentiment à venir se coucher. Quand vous arrivez du coup en face du commissariat, du poste de police, et vous voyez une foule amassée devant et des gens avec des pancartes qui scandent un nom, une phrase: Justice pour Ennio Spinola. Ça Ah bah crie, oui. ça crie, ça hurle. Ça Vous voyez que manifeste. ils sont en train de gueuler en disant que la police est vendue, Sortez que les gilets jaunes et les ils flashballs. ne, ils ne font rien pour savoir ce qui s'est passé sur le meurtre de Ennio Spinola, qu'il a été retrouvé mort. Et que la police n'a rien fait pour, et en plus de ça, la police ne veut pas rendre le corps à la famille pour qu'ils puissent l'enterrer. Donc ils demandent justice. Et vous voyez, donc c'est tous des syndicalistes qui gueulent. Alors vous essayez de passer un petit peu à droite à gauche pour. Voilà. Est-ce que vous tendez l'oreille? Est-ce que. Bah, je tends de l'oreille, moi. Je suis le seul qui sait parler la langue. Ok. Du coup, tu écoutes un petit peu et tu vois du coup un gars qui a un journal dans la main et qui montre, c'est un article comme ça du doigt et la photo. Donc maintenant, faut que j'aille trouver l'article. Voilà. Alors, attends, je te fais Ah, t'as ça. 10 minutes. 10 minutes pour le trouver. Ça, c'est trouvé déjà, c'est trouvé. Mais maintenant, il faut que je vous le mette, hop, dans Je vais vous le lire, comme ça on gagnera du temps. Un ouvrier assassiné. Le corps d'Ennio Spinola, un ouvrier du secteur automobile, a été découvert aujourd'hui dans une ruelle près de Via Tavazzano, à Portello, non loin de l'usine Alfa Romeo, dans laquelle il travaillait. Spinola a été poignardé. La police mène son enquête parmi les ouvriers. Spinola était un syndicaliste militant et il s'était disputé avec d'autres travailleurs au cours des derniers jours. Il est quoi, Spinola? Voilà, donc c'est un, bah, un communiste syndicaliste. On revient un peu à mon idée, aller interroger l'Alpha. Ah bah l'usine. Il ne sait pas alors. Voilà. C'est un ouvrier, non? C'était un syndicaliste. Ouais, donc il conduisait pas. Et donc il a été retrouvé mort, poignardé. Ouvrier, yan. Vous arrivez du coup devant la porte du commissariat, vous rentrez à l'intérieur. Et vous voyez les agents de police qui sont en train de vaquer à leur truc. Et l'un d'eux vient vous voir. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous avez une chose, une réclamation, quelque chose? Demande de voir le commissaire chargé de l'enquête sur la disparition de Katharina. Vous êtes? Nous sommes des amis de Katharina. Et nous avons fait un voyage avec elle jusqu'à Lausanne, son dernier voyage. Ok. Vous allez tous me faire un jet de persuasion. Un jet de persuasion. Dire que j'ai augmenté dans cette caractéristique tellement utile. Pour vous faire persuader. Heureusement que j'ai augmenté de 6, hein. Ça passe. Grâce à 6 points. N'est-ce pas? Mais Nelson aussi. Nelson est très persuasif. Lui, il a l'argent, il brandit des billets devant le. Et toi? Je suis comme ça. Catherine, tu l'as ajouté déjà? Non. Non. Ah, je l'ai pas noté. Catherine avait pu jeter les dés. Non, j'en veux plus, c'est mort, de toute façon, je gagnerai jamais. Non, mais j'ai 10 en persuasion. Mais jette, on sait jamais. Imagine, tu fais 2. Bon, tu fais 49, ok. Mais tu sais, 39 points de chance pour ici. Ok, donc là, en gros, vous êtes 2. Donc il y a Nelson et Peter qui réussissent. Alors. Vous voyez, en fait, Emilio, qui se veut être le traducteur de Peter et Nelson, l'agent de police ne faisant aucune, n'ayant aucun intérêt pour Catherine, hein, puisqu'il s'en fout complètement. Hein. Parce que c'est un gros matus de merde. Il est pratique pour elle, je pense qu'il a d'autres problèmes, mais toute la vie, il est en train d'être de la corde. Et du coup, voilà, il fait attention à vous deux, parce que vous avez peut-être les tenues les plus distinguées des trois hommes. Et il prend presque un peu Emilio comme genre le valet, tu vois, celui qui fait un peu la traduction. Encore un valet? Oh, mais. Le valet de pied, comme on l'appelle. C'est ça, c'est ça. Et après, il fait écoutez, nous avons pas mal de problèmes pour travailler en ce moment, c'est vrai. Mais vous pouvez travailler avec nous, il n'y a pas de problème. On va essayer de partager avec vous les informations. Mais c'est vrai que ça nous fait plaisir, on est très débordés. Bah, au moins c'est gratuit, c'est pas plus cher. Quoi? Au moins c'est gratuit, c'est pas plus cher. Oui. Est-ce que je sais qui me prend pour un traducteur? Et vous pourrez dire à vos employeurs que nous donnons l'autorisation de faire des petites enquêtes. Ah, on vous embêtera pas. D'accord, ça merci. Marche. Vous savez, les riches, hein, ils aiment mettre leur nez où ils peuvent. Hein, ils s'ennuient tellement. On vous confirme que c'était bien une Alfa Romeo RL et que... pour l'instant, nous n'avons pas d'autres pistes que celle-là. Ils ont demandé à l'usine si qui a acheté ce modèle. L'ancien propriétaire. Ouais, parce que Alfa Romeo RL, ça doit être c'est genre la dernière des dernières voitures qui est sortie quoi. Il y a quelques propriétaires, mais c'est des gens très fortunés. Mais honnêtement, ce ne sont pas eux. Ça ne peut pas être eux. On verra ça. Voilà. Et c'est pas fait voler un truc comme ça? Ah, peut-être, mais nous n'avons pas la référence du véhicule. On peut vous donner une liste, mais voilà, c'est tout. Voir le nombre d'exemplaires qui ont été vendus. Donne la liste. Il y en a 10. Voilà, elle est pas si longue que ça. 10, c'est. Et peut-être cette Alfa Romeo. Elle est peut-être même pas sortie d'usine. Il n'y a pas un comte, un duc, un noble, un. Non, il n'y a pas de comte. Non. Il n'y a ça. Pas. Il n'y a pas de. Il n'y a personne qu'on a pu. Non, là. Alfa Romeo, Nelson Desbrou. Vous voyez que tous les noms que vous avez, vous ne les connaissez pas du tout. Ils sont tous à consonance italienne. Même toi, Emilio, tu n'as jamais entendu parler d'eux. Enfin, voilà, c'est des gens richissimes de Milan. C'est une sacrée. Enfin, une liste de 10 noms, mais tu n'as jamais entendu parler de ces gens. Non, en tout cas, voilà, nous sommes un peu pris en ce moment sur. Vous avez vu ce qu'il y a dehors? Oui. Voilà, c'est le problème. C'est bizarre qu'Alfa Romeo se mêle autant d'affaires. Ah, c'est pas ça, je suis sûr qu'il n'y a rien à voir avec Alfa Romeo. C'est un peu gros quand même. Ah, ça arrive, c'est comme ça, vous savez, avec les problèmes fascistes, syndicalistes, bon. C'était quoi le sujet de la brouille entre le syndicaliste et les chemises noires? Je sais pas, mais ça se trouve, c'est entre eux, peut-être. Ils l'ont tué pour faire croire que c'est les fascistes. Il y a pas de femmes. Ça va. Vous avez retrouvé l'arme du crime? C'est un poignard, c'est ça? Ah oui, il s'est fait poignarder plusieurs coups de couteau. Mais vous inquiétez pas, ça arrive toujours. Bah, c'est normal, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent, c'est normal. Est-ce qu'il y avait un message sur lui ou quelque chose comme ça? C'est que des syndicalistes, oui, c'est pas grave. Est-ce qu'il avait un message sur lui Non, là, il est trop. Non. Ils vont se calmer, c'est pas la première fois. Pour moi, déjà, je parle aux autres en anglais, je pense pas que c'est un coup de l'écorcher, là. Sinon, on serait déjà au courant. Enfin, le truc, il a été pelé comme une panne de terre. Mais c'est certainement quelque chose d'étrange, quoi. J'ai hâte de voir ses affaires pour voir si on peut trouver un petit indice par hasard. Et vous entendez d'ailleurs que d'un coup dehors ça commence à gueuler qui c'est qui regarde par la fenêtre? Moi. Tu vois des gars arriver en courant avec des chemises noires, tout habillés en noir. Et des grosses pompes bien balèzes et qui commencent à foncer dans la foule avec des grosses battes, des bâtons. Je me retourne alerté en toute panique en disant à tous mes camarades bien fort qu'il faut dégager des lieux. Vous êtes à l'intérieur du commissariat, vous voyez. Vous voyez du coup ces gars-là en fait se mettent à frapper les manifestants. Qui commence à partir en courant dans tous les sens. On va peut-être pas sortir tout de suite, hein. On va peut-être rester à la barrière. Il y a toujours une sortie de secours. Non, mais bougez pas, c'est pas grave, c'est souvent. Attendez, les gens y vivent, les gens y meurent. Mais vous n'allez pas intervenir, hein. Vous n'allez pas séparer ces deux groupes. Mais ils le font déjà. Pourquoi le faire? Mais vous n'allez pas les séparer? Parce que là, ils sont en train de se tuer, là. Mais ils vont partir. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Bah, vous connaissez pas Milan. C'est comme ça. Je connais pas Milan, mais ça m'a. C'est un conflit qui nous dépasse. Est-ce qu'on peut voir les affaires du coup? Écoutez, votre traducteur. Ennio. Hein, pardon? Est-ce qu'on peut voir les affaires d'Ennio? Non, ça je peux pas. Allez! Non, c'est une histoire qui ne vous concerne pas. Vous avez rien à perdre, on va juste regarder et peut-être. Non. Non. Bon, je. Si vous voulez chercher quelque chose, allez peut-être voir là où ça s'est passé. Peut-être vous trouverez quelque chose. Et L'usine à Farum. vous En viendrez plus, me c'est sur voir. notre chemin pour aller à l'usine. Super. Est-ce que vous avez une sortie autre que celle-ci? Bon, prenez par là, vous sortez, c'est sortie de secours. Bon, Vous êtes merci tranquille. beaucoup. Voilà. Bon, et si vous trouvez quelque chose, Merci je compte mille. sur vous, hein. Oui. Oui, Hein? bah, Bon. vous êtes sûr? Je compte sur vous, hein. Et vous direz que c'est moi qui vous ai donné les indices, hein. On vous laissera même la récompense, hein, s'il Ah, faut. ben, va, vous êtes une bonne personne. Ah, je vous aime bien. C'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux? Ah, Tu ouais. es fou, c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Une télé, c'est pas comme ça, hein. Bon, ok. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Du coup, C'est vous ça, ça veut sortez. dire bonsoir, c'est ça? Ciao, si. Ciao, va bene. Bene. Ouais. Non. Vous sortez du coup du commissariat. Il est Minuit. Minuit quasiment. 1. Non. Là, il est. Il va être 20h, donc ça va être le soir. Et minuit 1, je confirme. Vous êtes un Je peu propose qu'on fatigué. aille devant cette rue. Comme Ok. ça, on va pas être dérangé. Et À 20h. on fera Ok. ça la prochaine fois, puisqu'il est Avec déjà les minuit. camisas Voilà. Allez, la mise en route, quand vous arrivez dans une ville, c'est toujours un peu plus long. Le problème, c'est ça, c'est qu'il faut un peu prendre vos marques. Voilà, il y a un peu plus de choses à faire. Et quand les choses s'amorcent, c'est là que ça va un peu plus vite. C'est vrai, c'est pas toujours cool. Du coup, ben, je vais lancer l'outro et on revient juste après. Amérique de